Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est parti pour débriefer le Grand Prix de Monaco tous ensemble pendant, alors on dit toujours 1h30, 2h, on sait pas, parce qu'en fait avec la course on sait pas exactement ce qu'on va avoir à dire dessus. Rassurez-vous, on a pas mal de sujets à aborder quand même, notamment du niveau de certains pilotes un petit peu trop optimistes en piste. Vous pouvez voir qu'on est l'équipe complète ce soir sur Next Gen Auto, avec moi donc pour revenir sur ce Grand Prix. Il y a déjà Franck, salut Franck, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va impeccable, ça va impeccable. Et Paul nous fait un grand retour dans l'émission pour la première fois depuis. On a calculé Jeddah, hein, c'est ça. C'était la dernière fois que tu étais venu. C'était Jeddah la dernière fois, ouais, ouais. La dernière fois que tu étais venu, Max Verstappen était invaincu. Et donc là, c'est totalement différent. Comment ça va depuis le temps? Bah écoute, ça va. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait aucun espoir pour le championnat. Là, c'est avec un tout autre état d'esprit que je vous retrouve ce soir, après toutes ces semaines. Bon, voilà, effectivement, qu'est-ce qu'on va avoir à vous dire sur ce Grand Prix, à part peut-être que le résultat, en fait, c'est un petit Grand Prix, on va dire, avec un grand résultat, un résultat romantique, et puis surtout très, très intéressant pour le championnat, on va y revenir plus tard. Et puis, bah, voilà, en tout cas, très content de vous retrouver, après toutes ces semaines où j'aurais bien voulu être là un peu plus souvent, mais voilà, des fois, le devoir appelle, c'est la haute saison dans ma profession, donc... Mais en tout cas, très content voilà, de vous retrouver ce soir pour parler, voilà, comme je disais, d'une course qui ne marquera pas les mémoires en termes d'action en piste, mais qui, par contre, je trouve, voilà, nous a livré quand même un très beau résultat et nous donne encore plus d'espoir pour ce championnat. Bah, qui sait, justement, on a peut-être un championnat. Exactement, et c'est vrai que c'est encore quelque chose qu'on ne pensait pas avoir il y a quelques semaines. Et finalement, peut-être, on aura enfin quelque chose de plus intéressant que l'an dernier, effectivement. Et enfin, on est donc 4, puisqu'il y a aussi Alex. Ça va, Alex? Ça va très bien. Donc effectivement, on a eu un grand paradoxe ce week-end entre d'un côté la course la plus fade et en même temps le vainqueur le plus excitant finalement avec Charles Leclerc. Donc je suis habillé aux couleurs de la principauté ou aux couleurs de la Pologne pour les fans pour fêter cet événement. Alors effectivement, c'est vrai que c'était pas la course du siècle. Hein, donc effectivement, une course remportée par Charles Leclerc devant Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris et George Russell pour le top 5. Charles Leclerc qui en profite parce que Max Verstappen a fait 6ème, donc il en profite pour revenir à 31 points au championnat. Ferrari revient à 24 points de Red Bull également au championnat constructeur, donc des écarts plus serrés que jamais, en tout cas plus serrés qu'ils n'ont été depuis environ 2 ans quasiment. Je vois des gens qui parlent beaucoup déjà de forcément de l'accrochage des Alpines, forcément on parle des dégâts sur la voiture de Perez, etc. On y reviendra au fur et à mesure, comme d'habitude on va prendre le classement dans l'ordre, en tout cas des équipes, et on va dérouler. Donc on va forcément parler de Ferrari en premier. Je vois quelqu'un qui dit pire course de l'histoire avec Spa 2021. Alors, Spa 2021 était-il une course? La question se pose. Et surtout, moi je dis toujours que Valence 2011 existe. Grand Prix d'Europe qui avait été catastrophique, avec 24 voitures au départ, 24 à l'arrivée. Et pas énormément de dépassements non plus sur un circuit qui était un peu moins, encore moins intéressant que Monaco sur ses mauvais jours. Bon, je crois que la stat qui fait mal pour ce week-end en particulier, c'est le fait que le top 10 est resté pour le coup vraiment inchangé. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça, pour le coup, c'est une première. Oui. On n'avait jamais eu un top 10 inchangé du premier dernier tour du Grand Prix. C'était le top 6. Voilà. Top 6, c'était arrivé quelques fois et encore pas beaucoup. Mais effectivement. Sauf si on compte Spa 2021. Mais je refuse qu'on compte ça comme une course. C'est pas possible. J'approuve ton avis, Manu. Après, on peut revenir effectivement sur le cadre de Monaco. Alors moi, j'adore cette course parce que c'est là qu'on voit vraiment la distorsion entre les vieux fans de la F1 qui ont connu Monaco pour son heure de gloire et ses exploits des pilotes et les nouveaux fans de la Formule 1 qui sont arrivés un petit peu récemment avec Netflix et tout ça. Et qui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec eux, Monaco, c'est la pire course possible du calendrier en termes de spectacle. Et en plus, ça a été gâché par le drapeau rouge au premier tour, règle du drapeau rouge qui autorise toujours, malheureusement, à changer de pneus gratuitement pour les pilotes. Et comme les Pirelli, il n'y a pas de pneus spécial Monaco sur la saison, comme les Pirelli peuvent tenir 78 tours, et bien, tout le monde en a profité pour changer. On a vu que même les médiums pouvaient tenir 78 tours. Donc voilà, ça nous a privé effectivement d'une partie stratégie. Après, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais Monaco, ça reste un joyau pour l'instant de la F1. Il est de plus en plus sous pression de la part de la FOM pour essayer de trouver des solutions, pour modifier le tracé. C'est très compliqué, mais il y a quand même encore des études de faisabilité qui sont toujours en cours. Donc maintenant, voilà, on en revient toujours à ce qu'on disait assez souvent dans le Grand Prix, c'est qu'il faudrait un format spécial pour Monaco, c'est-à-dire effectivement donner des points en qualification qui restent quand même l'exercice absolument bluffant. J'espère que vous avez suivi les qualifications samedi, parce que c'est toujours une magie pas possible de voir les qualifications à Monaco et les pilotes passer aussi proche des rails. Encore cette année, ça n'a pas touché du tout, quoi. C'était vraiment très, très, très, très, très, très, très joli à voir. Et après, effectivement, peut-être format spécial pour la course, à défaut de pouvoir changer le tracé, de, bah, soit de n'amener que des pneus tendres, soit des pneus tendres ou médiums, et imposer deux arrêts, ou imposer un arrêt, ou trois arrêts, comme certains l'ont suggéré, en attendant d'avoir d'autres solutions. Moi, je ne serais pas contre, effectivement, que cette course-là, on impose des arrêts. Mmh. Qu'on supprime effectivement cette règle du drapeau rouge, surtout en début de course, ce qui n'a aucun sens pour moi. Pour moi, cette règle du drapeau rouge, elle n'a aucun sens, sauf si un pilote a crevé ou changement effectivement de conditions climatiques. Mais s'il n'y a pas eu de dégâts sur une voiture de pneus crevés ou autre, non, je suis désolé, vous partez avec les mêmes pneus, c'est la règle, et puis voilà quoi. Mais bon, ils ont déjà essayé deux fois de changer cette règle, ça ne s'est jamais fait. Donc voilà, donc, dans le chat, je vais essayer un peu de lire un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a les fans de la vieille école et il y a les fans de la nouvelle heure, et forcément. Sur les réseaux sociaux, moi, je me suis régalé à regarder effectivement les commentaires. En général, les fans les plus récents ont trouvé Monaco pitoyable, mais ouais. Je ne peux pas prouver. Puis je rebondis sur ce qu'a dit Slim Too Slow, c'est-à-dire que pour les fans de Leclerc, il pouvait avoir un certain suspense, à savoir que ça reste quand même Monaco, et on a vu en F2 que les deux leaders successifs, Verschoor et puis Hadjar, ont perdu la tête de course suite à des incidents de course, donc il pouvait toujours se passer quelque chose, et c'est un peu cette tension qui pouvait... je ne sais pas, en tout cas exciter les spectateurs, mais au moins empêcher de ronfler. Voilà, parce que ça restait tout de même Monaco, mais finalement il ne s'est rien passé. Et voilà, la F2 avait la veille prouvé que tout pouvait absolument quand même se passer à Monaco, même les éditions précédentes en F1. Hein, Leclerc s'en souvient bien aussi, etc. Ouais. Donc voilà, ça restait une édition très très très très fan, mais avec cette petit piment d'incertitude qui permet, mais je suis d'accord, je pense que c'est un circuit qui doit se remettre en question. Du côté de l'Automobile Club Monaco, on a l'impression que l'expression se reposer sur ses lauriers a été inventée pour eux. Mais tout le monde était quand même heureux de la victoire de Leclerc, je veux dire, certes, c'était effectivement le Grand Prix le plus fade, mais je parle des fans de F1 qui ne sont pas fermés d'esprit et obtus sur un pilote et une équipe qui défoncent tout le monde sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des spécimens aussi dans ce cas-là. Donc moi, je parle effectivement aux fans de F1 qui sont un petit peu éduqués. Tout le monde était très heureux de voir enfin Charles Leclerc gagner chez lui à domicile. Effectivement, ça aurait été extrêmement désolant que ça soit le seul pilote qui subisse un problème en course et que du coup le top 20 soit décalé d'une place pour tout le monde sauf Leclerc. Ça aurait été extrêmement triste. Et là, on aurait vraiment pu parler de malédiction pour lui. Mais effectivement, c'est pas simple. Hein. Il faut quand même faire son demi-tour. Certes, un rythme de sénateur. 3 secondes, 4 secondes des tours possibles. Même plus, ouais. Enfin, oui. Mais voilà, il fallait pas la cracher la voiture, il fallait rester concentré. Et on sait qu'il a quand même pleuré dans les deux derniers tours et ça aurait pu effectivement lui coûter cher. C'est clair. Donc c'est Leclerc qui est devenu le premier pilote monégasque depuis Louis Chiron et 93 ans à s'imposer à Monaco et le premier en Formule 1 puisqu'en 1931, le championnat du monde n'existait pas. Donc c'est pour dire l'exploit majuscule et c'est aussi le prince qui a pleuré. Et voilà, Frédéric Vasseur qui malheureusement n'est toujours pas sorti de prison pour avoir arroser le prince, mais il devrait être libéré à temps pour le Canada. Non, mais c'est vrai que je vois pas mal de gens dans le chat qui disent que c'est toujours un peu inquiétant quand même Monaco, parce qu'effectivement les pilotes ont pas le droit à l'erreur. C'est Royus Zero qui dit c'était sur le plan stratégique, la course a été intéressante, mais niveau action, ça a quand même été sacrément rompiche. Alors moi je trouve que le plan stratégique n'a pas été beaucoup mieux, parce que finalement la stratégie c'était juste de freiner le plus possible pour économiser les pneus et juste laisser tout le monde dans la fenêtre de risque entre guillemets, de se faire avoir en cas d'un arrêt au stand et que personne ne puisse avoir de la marge en fait pour faire un arrêt. Donc c'était géré stratégiquement, et c'est vrai que Vasseur l'a dit, nous sur le muret des stands c'était très intéressant. Mais parce que eux étaient forcément dans quelque chose de très, ils ont optimisé au maximum les gestions de pneus, gestion de température, etc. Mais en fait, pour nous, ça impliquait que c'était des F1 qui roulaient à 10 secondes des temps de la veille, et c'est vrai que c'était pas forcément le truc le plus palpitant à voir. Après, effectivement, beaucoup de gens qui disent que la Monaco est très bien pour les qualifs aussi, et ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. C'est vrai que ça reste un circuit incroyable, comme tu disais, Franck. Il y a eu du vendredi au samedi, c'est un régal, je veux dire. Même en ligne. En libre cette année, ça a attaqué dès le vendredi midi, hein, c'était impressionnant. On s'est fait la réflexion parce qu'on les regardait en même temps et on s'est dit, putain, ça attaque déjà fort. Aux EL1, ils étaient à 2 secondes de la pole de l'an dernier et la pole était battue en EL3. Donc c'était grosse attaque tout le long du week-end, et puis grosse attaque de Leclerc en particulier. On va pouvoir commencer aussi à parler un petit peu résultats sportifs, mais c'est vrai que Ferrari et particulièrement Leclerc a montré énormément de bonnes choses ce week-end. On a vu un Leclerc qui avait toujours un coup d'avance sur les autres, alors sauf en début de qualification où il a semblé un petit peu fébrile, mais en fait il a eu un petit truc qui s'est un bout de banderole qui s'est mis sur sa voiture et ça l'a un petit peu inquiété et tout ça, mais il y a eu, allez, on va dire qu'il a eu 10 minutes de vraie inquiétude pendant le week-end. Le reste du temps, c'était, il a survolé la concurrence. Je pense que Vasseur disait qu'il y allait avec un état d'esprit différent. Est-ce que vous auriez vu quelqu'un, vous, le battre de manière... enfin, pour avoir la possibilité de le battre, qu'on a vu quand même en qualif, c'était plus serré. Ou est-ce que pour vous, dès le vendredi, il y avait quand même quelque chose qui montrait qu'il était l'homme du week-end et qu'il y avait pas, il avait toujours cette marge Paul, par exemple. T'en as pensé quoi? Bah, c'est vrai que dès le vendredi, il semblait déjà au max des capacités de ce qu'il pouvait tirer sur ce circuit. C'est d'ailleurs Sainz qui disait après son podium, Charles, il aurait pu disputer la Q3 dès la fin des EL1 et il aurait déjà été performant. Ça en dit beaucoup de la confiance qu'il avait en abordant le week-end. Effectivement, un week-end sans accroc, du coup, à part ces quelques minutes de flottement en qualif. Il y a même un moment donné, je sais plus si c'est en Q2 ou en début de Q3, où il dit « j'ai quelque chose entre les pédales ». Il y avait un petit moment de panique. Ouais. Mais à part ça, il a été tout en maîtrise. En fait, il a fait ce week-end ce qu'il aurait dû faire sur d'autres week-ends, quand il ne faisait pas d'erreur ou quand Ferrari ne lui plantait pas sa stratégie. Il a enfin concrétisé un week-end à Monaco, en fait. Donc, c'est comment dire, il y a rien de surprenant dans la mesure où on l'avait déjà vu vraiment au-dessus du lot à Monaco, mais c'est la première fois qu'il concrétise enfin. Ça me rappelle un petit peu Ricardo qui avait aussi eu des mésaventures alors qu'il avait été brillant et qui avait enfin attendu la troisième tentative en 2018 pour enfin s'imposer. Donc non, il a été vraiment au-dessus tout le week-end en qualif, et je crois que c'est quasiment 2 dixièmes qu'il y a en fin de Q3, donc c'est quand même un énorme écart à Monaco. Donc non, il a été au-dessus, c'était le numéro 1 tout le week-end. En osmose avec sa voiture. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. On a retrouvé le Charles Leclerc qu'on avait un petit peu perdu en début de saison et parfois l'année dernière. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra dire sur la dynamique en interne chez Ferrari. Sainz, pour moi, reste à un niveau excellent, mais on a retrouvé le grand Charles Leclerc, celui qui est infaillible, celui qui est capable de tirer 100% de sa Ferrari. Et je pense que cette victoire à Monaco va vraiment lui donner un boost de confiance qu'on peut même pas imaginer, quoi. C'est la première victoire depuis presque 2 ans, l'air de rien. Il s'impose enfin chez lui, il se replace au championnat. Tu le disais, hein, c'est quoi, 31 points d'écart avec Max. Donc il n'y a plus qu'un joker pour Max. Et au rythme où vont les choses, il pourrait rapidement le rattraper. D'un début de saison, on disait ça démarre mal pour lui. Il est dominé par son coéquipier. Ferrari progresse, mais ce n'est pas encore au niveau de Red Bull. Et on se retrouve avec un Leclerc qui remporte une victoire absolument indiscutable et qui vraiment se replace, et chez Ferrari, il retrouve du crédit en dominant à nouveau Sainz, et en plus, il se replace au championnat, donc week-end absolument parfait. Et comme je disais en préambule, un petit Grand Prix, mais très très grand résultat, et pour lui, et pour Ferrari, et bien sûr pour le championnat du monde, qui est désormais plus ouvert que jamais. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est vrai qu'il m'a fait penser un peu à ce qu'il avait fait à Monaco en 2021, mais sans le crash en fin de qualif, quoi. C'est-à-dire, parce que je pense qu'en Monaco 2021, il aurait dominé la course de la même manière, vu qu'il partait en pôle, et qu'encore une fois, c'était déjà des voitures très larges. Et oui, Marcus Malfoy dit Charles se met très bien au championnat et bizarrement je le trouve plus fort qu'en 2022, mais c'est normal. C'est-à-dire que même s'il n'a pas gagné pendant 2 ans, il a continué à progresser, il a continué à combler ses failles qui étaient peut-être une certaine résistance à la pression qui manquait un peu. Et au final, on se retrouve avec un Leclerc qui semble prendre le dessus sur Sainz et qui semble redevenir un peu le patron. Je pense qu'en interne, de toute façon, maintenant, le fait que Sainz parte en fin de saison, c'est lui le patron aussi, c'est-à-dire qu'il aura toujours la priorité. Mais effectivement, il a plus de points qu'en 2022 au même stade. Alors ça, c'est effectivement, c'est une belle stat, parce qu'il y a eu quelques soucis en 2022, quelques mauvaises courses. Et finalement, là, il fait quand même des courses très solides. Est-ce que vous pensez quand même que la dynamique peut se réinverser chez Ferrari? Parce qu'on voit que Sainz, maintenant, a un peu repris c'est un peu remis dans l'ombre, par exemple. Ou est-ce que malgré tout, là, maintenant, on a un Leclerc vraiment au sommet, Franck. Non, pour moi, la dynamique, elle est de nouveau en faveur de Leclerc. En plus, depuis Imola, c'est plutôt en sa faveur, j'ai l'impression. Donc, peut-être que les évolutions nous conviennent mieux. Alors, j'ai pas trop envie de juger les évolutions sur ce circuit de Monaco, parce que c'est clairement du pilotage pur. Je vois effectivement certains qui disent que les Mercedes étaient mieux aussi sur ce circuit, mais tout le monde était mieux. C'est vraiment un circuit de pilotage où effectivement les écarts sont plus resserrés parce que la voiture compte un peu moins. Donc on avait déjà dit lors de la dernière mission qu'il ne fallait pas juger ce Grand Prix-là pour les évolutions, même si Russell avait un aileron évolué, mais on en parlera après, et qui a fait un petit peu polémique. Mais non, je vois très bien Leclerc, moi, maintenant, continuer sur cette lancée, surtout si effectivement les évolutions lui conviennent mieux. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se remettre, hein. Frédéric Vasseur l'avait dit, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas se remettre. Tu posais quand même la question de savoir qui pouvait enrayer la machine Leclerc à Monaco. Il faut quand même noter que on a quand même vu que ça se rapprochait quand même nettement de Leclerc en Q2 et en Q3. avant qu'il sorte son meilleur tour, parce que Piastri n'est quand même pas passé loin de la pole, il faut quand même le souligner, et que Verstappen ne réussit pas sa deuxième tentative non plus. Et il y avait quand même Verstappen, la sortie du Verstappen, c'est-à-dire qu'il a essayé de dompter un petit peu le caractère capricieux de sa voiture et très rigide sur les bosses et les vibreurs pour quand même sortir quelque chose d'assez sympathique, surtout quand on voit que son équipier a fait 18e. Le seul qui aurait pu enrayer pour moi un petit peu la machine Leclerc, ça aurait été Piastri sur ce week-end-là. Mais sinon, Leclerc, il n'était en tout cas pas du tout inquiété par Sainz du tout le week-end. C'est vrai que Guigui demande une question, est-ce que son nouvel ingénieur de piste n'est pas aussi une des raisons de son changement, de cette évolution? Alors, il avait déjà sa dynamique avant le changement de l'ingé. Pour rappel, parce que du coup je viens de regarder, les résultats de Leclerc cette année en course, donc je ne mets pas les sprints, c'est 4e, 3e, 2e sur les 3 premières, ensuite il fait 2 places de 4e au pied du podium, et les 3 dernières courses c'est 3e, 3e, 1er. Donc c'est vraiment ultra solide. Il y a rien de moins bien que quatrième, donc c'est effectivement très très régulier, et je pense qu'il a fait il a eu de très bonnes choses d'être très régulier au moment où Verstappen avait son gros début de saison, et finalement c'est ça qui fait qu'il est encore bien placé. Moi Ferrari, je sais pas si ça pourrait aller au titre pilote, parce que malgré tout il y a Verstappen en face qui a quand même une marge et qui aura quand même des circuits où il sera le favori. Je pense pas forcément au prochain Canada, mais genre en Espagne pour moi Red Bull reviendra avec un avantage, mais Ferrari peut peut-être au moins viser le titre constructeur. Alex, bah, il n'y avait que 24 points d'écart je crois entre les deux, et effectivement si Pérez continue sur la même tendance que l'an dernier, c'est-à-dire après un bon début de saison s'effondrer, bon voilà, effectivement Ferrari a toutes ses chances, mais je vais comme un bémol, il ne faudrait pas que McLaren prenne trop de points à Ferrari, donc la meilleure chance de Red Bull c'est peut-être aussi ce duel entre McLaren et Ferrari, puisqu'on a vu quand même une équipe McLaren et extrêmement solide de nouveau, donc c'est peut-être la chance de Verstappen, ça sera pas Pérez mais peut-être Norris ou Piastri. C'est un peu ce qu'on a vu l'an dernier au championnat pilote aussi, où Pérez avait pris des points et avait fini vice-champion parce que derrière ça se bouffait des points aussi tous les week-ends entre trois équipes quoi. Je sais pas si quelqu'un après Ferrari voilà, ils ont les évolutions très importantes d'Imola, oui. Ont-elles fonctionné ou pas, c'est toujours un peu difficile de le dire totalement, parce qu'Imola c'était il y avait un règle de course qui était très très solide, mais en qualif ça n'avait pas forcément fonctionné. Monaco, bah, c'est Monaco, ça ne veut rien dire sur le reste de l'année, donc le reste des courses vont être évidemment très intéressantes. Évidemment les autres équipes ne restent pas inertes, c'est toujours une situation mouvante, une cible qui bouge, donc ça va être une course de développement jusqu'au bout. Est-ce que Ferrari est capable de la gagner? C'est évidemment la grande question. Il y a quelques saisons, on vous aurait répondu non tout de suite, mais il y a eu depuis du changement, évidemment, on voit que Red Bull avait pas de corrélation, donc voilà, tout dépendra de la course au développement, mais sur le plan des pilotes purs, Ferrari est dans une excellente situation, McLaren aussi, Red Bull, point d'interrogation. Et si Ferrari réussit dans sa course au développement, comme le mentionnait Alex, Ferrari peut aussi compter sur un Carlos Sainz, que je trouve encore vraiment très impliqué et très beau joueur d'équipe aussi, franchement, parce qu'il pourrait aussi ne se concentrer que sur sa carte personnelle. Après, c'est aussi de la communication, bien sûr, mais je trouve que voilà, il déclarait avant la course qu'il était prêt à aider Leclerc. Je suis sûr que c'était vrai, que c'était tout à fait sincère, et il n'a pas manqué d'éloge à son coéquipier en fin de course. Donc il y a une bonne mentalité chez Ferrari, c'est aussi quelque chose que je voulais souligner, et ça on pourra sûrement encore féliciter Fred Vasseur pour ça, mais il y a une sérénité complètement retrouvée dans cette équipe, c'est-à-dire que quand bien même les résultats seraient un peu moins bons lors des prochaines courses, il n'y aurait pas d'affolement, on n'est plus du tout dans la scène de 2022, où la voiture était régulièrement, en début de saison en tout cas, vraiment au niveau de Red Bull, et c'était sur un plan stratégique, sur un plan opérationnel que ça pêchait. Là maintenant, ce sera en pure performance, parce qu'en termes de stratégie, d'arrêt au stand, et de performance des pilotes, il n'y a rien à dire chez Ferrari cette année, c'est quasiment parfait, franchement. Attention quand même, parce qu'en Chine, au départ, c'était quand même chaud entre les deux, et il y a eu des petits accords. Mais ça peut arriver, tu vois, et je ne dis pas que ça n'arrivera pas dans la saison, puis surtout que tant que Sainz n'aura pas signé un baquet, il a aussi toujours intérêt à se montrer et à décrocher des résultats, mais malgré tout, on est sur un duo de pilotes très mature, qui s'entend très bien, et ça compte beaucoup aussi. Et je crois qu'ils ont les hommes pour le faire, pour le titre constructeur, si évidemment ils arrivent à suivre la course au développement. Et comme tu disais justement, Alex, c'est vrai qu'il y a une interrogation. Est-ce que Ferrari et McLaren ne risquent pas de se prendre trop de points? Et est-ce que aussi l'avance prise par Red Bull en début de saison ne sera pas un énorme avantage en fin de championnat? Ça, ce sera aussi à voir. Ouais, c'est ça. Ouais, pour Carlos Sainz, effectivement, on souligne quand même un très bon week-end. Hein. Il est quand même là derrière. Il se pose effectivement dès la fin des qualifications. Il se pose en soutien absolu et total de Leclerc pour la stratégie de course. Et effectivement, il a tenu parole. Hein. Il a posé les questions qu'il fallait pendant la course. Voilà, c'est quand même très étonnant que cette personne ne soit pas encore signée. quelque part. Bon, maintenant, le dit plus proche de Williams que d'Audi. On attend, parce que les rumeurs, c'est un petit peu, c'est un peu à gauche et à droite. En tout cas, pas chez Mercedes, c'est sûr. Puisque, parce que Toto Wolff a clairement dit que c'était où on attend Verstappen, où on aura certainement Kimi Antonelli derrière. Donc voilà, Carlos Sainz n'attendra pas effectivement jusqu'à l'automne pour choisir. Mais bon, j'ai maintenant ma petite théorie sur le pourquoi Carlos Sainz risque de ne pas être en F1 en 2025. Parce qu'il y a un petit projet qui est passé inaperçu, qui est que la F1 souhaite que l'année prochaine, sur les monoplaces, figure le nom complet des pilotes. Et le vrai nom complet de Carlos Sainz, c'est Carlos Sainz Vázquez de Castro, Senamor Rincón, Rivero Pirto Moreno de Aranta de Antalya Uroga, Chapera del Tun. Bah après, s'il si y a trois sponsors. C'est pas grave, les F1 font 4 mètres. si trois sponsors acceptent de sacrifier leur place autour du cockpit, c'est bon. C'était juste pour la petite blague. Voilà, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient découvert le vrai nom de Carlos Sainz alors qu'il avait dévoilé il y a 2 ans, je crois, à peu près. Mais c'est extrêmement drôle. Et oui, effectivement, il y a un petit projet qui demande effectivement aux équipes d'afficher les noms, prénoms des pilotes l'année prochaine sur les voitures en plus des numéros. Mais je trouve ça bien. J'aime bien. Enfin, moi, j'ai les voitures des années 70 où tu as les écritures calligraphiées avec les noms des pilotes. Je trouve ça trop cool. Donc, je suis entièrement pour. Même si, du coup, McLaren mettra sûrement une police d'écriture affreuse comme les numéros et on verra absolument rien. Chez Red Bull, ils mettront sur la voiture de Perez, ils mettront l'autre. L'autre. Mais lol. Ça marquait numéro 2. C'était qui là? Bah, ça veut dire qu'il faut qu'ils embauchent Sargent directement. Il est libre, Sargent. C'est vrai, numéro 2. Non, mais je pense que Perez, ils demanderont de se renommer à l'état civil comme un de ses sponsors, comme ça au moins ils pourront coller à ce sera suffisant. C'est la seule raison pour laquelle il gardera son baquet. Non, je suis méchant. Joe Téléphonica. J'ai eu de plus un Téléphonica. Si, ça existe encore. Si, je crois que ça existe encore. Bon, pas, notre ancien expatrié espagnol, là, Téléphonica. Ça existe. Et non, j'étais en train de réfléchir. Non, c'est Téléphonica Movistar, je crois. Mais... Ouais, ils ont été repris ou ils ont changé de nom. Ouais. Maintenant, c'est peut-être que Movistar, ouais, c'est possible. Bon, Ferrari, je sais pas si vous avez encore autre chose à dire. Moi, personnellement, je pense qu'on a fait le tour. Bravo à Fred Vasseur, j'étais très content de le voir très content. Et puis, vraiment, mais je trouve que c'est, son anniversaire aujourd'hui. Très ému, ouais. Bon anniversaire, en fait, du coup. Bon anniversaire, oui, il a eu un beau cadeau de 2 jours d'avance. Mais c'est vrai que c'était vraiment cool de voir toute cette émotion et de voir toute cette. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. On voit que la dynamique chez Ferrari est vraiment différente, quoi. Sur le complot pour Perez, le nom, très joli. Toi, le fond plat reste rarement accroché jusqu'à la fin de la course, donc c'est un peu risqué. on l'a déjà rhabillé alors qu'on n'a même pas encore fait Red Bull. Du coup, on va parler de McLaren évidemment qui a fait 2 et 4. Donc Piastri s'est qualifié deuxième, a fini deuxième. Norris, pareil, qualifié quatrième, a terminé quatrième aussi. De nouveau, ça fait 3 courses que McLaren utilise ses évolutions et que ça fonctionne très très bien. Ils ont résolu même le problème des virages lents, parce qu'ils avaient un peu peur en arrivant à Monaco, vu que la voiture était pas très bonne sur les virages lents globalement en début de saison. Et là, ils se rendent compte que c'est bon, que c'est réglé, en tout cas que c'est pas encore parfait, mais qu'il y a vraiment beaucoup de mieux. Qu'est-ce qu'on peut. Enfin, après, c'est difficile à dire parce que ça reste Monaco, mais on peut quand même dire que par rapport à l'an dernier, notamment où ils étaient tout juste dans le top 10, il y a toujours un énorme pas en avant. Et très beau week-end de Piastri aussi, Franck. Ouais. Ah oui, dans Piastri, il fait sensation. Franchement, il domine un peu Norris, d'ailleurs, ce week-end-là. Donc, très joli, hein, rookie deuxième année seulement, avec une F1 à Monaco. Donc, il fallait le faire aussi, parce que Norris avait quand même bien le vent en poupe depuis le début de l'année, hein, on va dire. Après, bon, ce qui sauve aussi peut-être Piastri, c'est effectivement le rythme de course qui est quand même, on va dire, assez lent. Voilà, puisqu'on sait que le petit point faible de Piastri encore par rapport à son équipier, c'est la gestion des pneus en course. On sait qu'à Monaco, alors c'est pas du tout un souci quand il y a un arrêt. Ça peut le devenir effectivement un petit peu s'il n'y a pas d'arrêt comme il y a eu dimanche. Mais bon, tout le monde a plutôt bien géré. Même les médiums, ça tenait sans problème. Donc, il fait un super week-end. Il fait pas de faute. Très solide. Donc, c'est très bien pour lui d'avoir eu un podium à Monaco, je trouve. Il avait parlé effectivement de faire gagner le numéro 81 lors de la 81e édition du Grand Prix de Monaco. Bon, c'est pas arrivé, mais bon, c'est que la 70e dans le championnat du monde de F1. Donc, rendez-vous en 2035 pour lui s'il porte encore le 81 d'ici là pour gagner la 81e dans le cadre du championnat du monde de F1. Non, très solide. Et après, pour revenir effectivement sur ce que dit juste sur la McLaren, effectivement, sur les virages lents, elle manque peut-être un peu d'appui, mais ce qui sauve vraiment McLaren sur ce week-end-là, je pense que c'est une voiture qui absorbe beaucoup mieux les vibreurs, beaucoup mieux les bosses que les autres équipes, notamment que Red Bull. Et c'est peut-être que ça compense aussi un petit peu la motricité, le facteur effectivement à pouvoir passer ses vibreurs et ses bosses, ce qui la sauve un petit peu par rapport à son point faible, parce que je pense que les virages lents sur des circuits plus traditionnels restent quand même encore légèrement un handicap chez McLaren, mais ce qui se réduit quasiment à néant, ça, ce handicap, et se réduit quasiment de Grand Prix en Grand Prix au fur et à mesure que les évolutions arrivent. Donc bravo à McLaren pour avoir très bien géré, avec en plus une superbe livrée qui a roulé ce week-end en hommage à Senna. Donc là, très très bien vu d'avoir vu effectivement les couleurs du Brésil et du casque de Senna, plutôt qu'effectivement tous ceux qui espéraient un tribut à la livrée rouge et blanche que célèbre que vous connaissez. On va pas citer le nom du manufacturier de tabac, voilà, parce que on évite ça. Et non, la voiture était superbe et voilà, ça fait un très très beau week-end pour McLaren à Monaco. Petite réussite pour Piastri quand même, et d'ailleurs on aurait dû le mentionner pour Ferrari avant, mais n'oublions pas que Sainz et Piastri se touchent quand même au premier virage, oui. Et ah ouais. Ça se termine bien pour les deux. Alors ce qu'on aurait pu mentionner pour Ferrari et Sainz, c'est quand même la chance qu'il a eue, et merci Guan Yu Zhou qui du coup n'avait pas franchi le micro-secteur et qui a permis de réinstaurer le classement au drapeau rouge. Sainz, sa course était concrètement fini après le premier virage, s'il n'y a pas derrière un énorme carton, hein, faut quand même le dire. Et pour Piastri, du coup, ça se réverbe sur lui. Il n'a pas eu de dégâts, heureusement pour lui. Et d'ailleurs, je suis pas sûr. Est-ce que pendant le drapeau rouge, McLaren a peut-être procédé à des réparations, en tout cas des vérifications sans doute. Mais en tout cas, tant mieux. Oui. Tant mieux pour les deux. Ça s'est bien terminé. Mais vraiment, merci le drapeau rouge, surtout pour Sainz, qu'on n'avait quand même pas mentionné avant. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vrai que bon, après Guan Yu Zhou, le pauvre, il arrive sur un espèce de champ de ruines où il faut passer en travers. Il dit attention, j'ai des dégâts, des débris et tout. Et en fait, on voit qu'il a des débris qui restent collés sur les pneus pendant plus d'un demi-tour, tellement il y avait partout sur les pneus. Il le dépasse à blinde à côté de lui. Oui, oui, oui. Lui, il reste tétanisé. Et c'est parce que justement, il valide pas le secteur, du coup, que le drapeau rouge fait revenir tout le monde à sa place. Ouais. Et la raison, je crois, vous me corrigez, hein, mais c'est justement parce que je crois que Guan Yu Zhou était le dernier pilote à ne pas avoir franchi le micro-secteur lorsque le rouge a été brandi. Et c'est vraiment ça qui sauve ça. Ouais. Et je pense que limite, en plus après il s'arrête parce qu'il y a la medical car qui arrive donc à fond, comme tu dis Franck, et je pense que sans la medical car, peut-être que ça passait. Enfin bref, c'est vraiment joué à pas grand-chose, mais après bon, c'est la F1, de toute façon on est plus... Enfin, on sait que la réussite fait aussi partie du truc. Donc, après moi je mets une nuance sur Norris et Piastri. Je pense que là, on était sur un circuit qui ne bouffe pas les pneus et où on a roulé vraiment lentement. Donc, je pense que ça a aidé Piastri aussi, qui a toujours ce problème de gestion des pneus quand même par rapport à Norris. Mais effectivement, après, c'est pas un souci parce que, de toute façon, c'était le but aussi de vraiment réussir la qualif pour le coup. Il fait un tour vraiment stratosphérique le samedi. Meilleur derrière Leclerc qui, lui, était vraiment inatteignable. Donc, ça, c'est bien. Il faut des points en qualif. Bon, enfin là, ça aurait pas changé grand-chose sur le résultat final du Grand Prix, mais, mais pour moi, il faut quand même des points en qualif sur ce circuit. Rien que pour le côté, hyper impressionnant. Enfin, bon, les images de qualif où on voit les voitures passer à OS de la piscine, enfin, c'est hallucinant la précision et la vitesse des pilotes. C'est vrai qu'Oscar Piastri a aussi tout l'arc narratif très très drôle autour de son adoption par Charles Leclerc quand même tout le long du week-end. Avec la F1 qui a aidé de sa petite blague en mettant Oscar Piastri Leclerc en essai libre 1 dans le classement, puisque en fait Leclerc avait dit qu'il adopterait Piastri s'il voulait avoir des racines monégasques. Donc après, il y a eu sa maman qui a demandé à Yuki Tsunoda s'il voulait devenir son fils. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui étaient assez amusantes. Ce qui est assez drôle, c'est lorsque Leclerc a dit « Je peux t'adopter si nécessaire », la mère de Piastri a envoyé un tweet à Leclerc en disant « Charles, I have some questions ». Je vous conseille de suivre le compte Twitter de la mère de Piastri, ouais. c'est assez drôle. C'était très très drôle, et puis après il y a eu aussi Piastri, quand ils ont fait la première ligne avec Leclerc, qui a marqué une belle journée pour la famille Leclerc. Il y a Arthur Leclerc qui a dit que... qui a parlé de Piastri en disant « mon neveu ». Et la maman de Piastri à la fin de la course qui a marqué « je félicite mes enfants » en taguant Oscar Piastri et Yuki Tsunoda. Donc c'était assez, assez amusant, ça a duré tout le week-end et c'était très drôle. Voilà, après McLaren, moi pour moi c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait récemment. Je pense que ça va continuer comme ça. Je sais pas si vous avez autre chose à dire sur McLaren ou si on peut passer à la suite, puisque avancez, il y a des polémiques qui arrivent. Voilà, c'est pour ça. On a des choses un peu plus croustillantes à dire. Alors ça va pas être encore chez Mercedes qui a fait un plutôt bon week-end avec la 5e place de George Russell et la 7e de Lewis Hamilton. un petit peu décevant par rapport à ce qu'ils avaient montré le vendredi, mais au final, eux, ils étaient très contents parce que la voiture a quand même globalement amené, fait les résultats et les performances qu'ils souhaitaient et qu'ils avaient envisagées. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Il y a toujours ce problème, comme tu dis, Manu, la voiture a fonctionné, mais il y a ce problème qu'en course, j'ai l'impression qu'ils dorment des fois au niveau de la stratégie ou dans la communication, parce que Hamilton, au moment de sortir des stones, s'étonne qu'on ne le prévienne pas que son outlet est critique pour justement tenter, ouais, pourquoi pas, de faire l'undercut à Verstappen. Ils se sont sûrement emmêlés les pinceaux au moment de ne pas arrêter Russell, justement, parce qu'ils se sont rendus compte peut-être un tour trop tard qu'ils allaient se faire overcutter par Verstappen s'ils arrêtaient Russell. Donc Russell qui se retrouve vulnérable finalement sans conséquence avec des pneus médiums vieux de 72 tours. Donc bon, c'était encore le résultat est finalement le mieux possible en compte tenu des qualifs, mais je trouve que c'est pas impressionnant en course, quoi. Toujours ce réalisme en course, ils l'ont pas, quoi. Et en plus, il se laisse détacher Russell du groupe de tête, hein, volontairement. Et c'était assez étonnant. Ouais, ça c'était incompréhensible. D'ailleurs, Verstappen l'a pas compris. Et même Hamilton n'était pas content directement après le drapeau rouge, parce que quand il a, en fait, ils sont partis en pneus durs, donc forcément, s'il y a un drapeau rouge au départ, que tu changes les pneus, bah, ça fait mettre les médiums qui tiennent normalement pas toute la course. Et la première chose que Hamilton leur a dit, c'est qu'est-ce que je vous avais dit ? Parce que lui, je pense qu'il voulait les pneus médiums au départ pour que s'il y a un drapeau rouge, il puisse mettre les durs et tenter de faire la course plus facilement sans arrêt. Mmh. Et oui, après, il y a eu ce Russell qui se laisse décrocher et puis en disant, enfin, t'as l'impression qu'en fait, il voulait juste assurer la place et avoir possiblement l'opportunité du meilleur tour. Et il y a l'outlap aussi. Ouais, il y a l'outlap. Et moi, je trouve que le fait d'avoir laissé Russell en médium alors que les deux autres derrière avaient remis des durs et que finalement ils avaient beaucoup plus de rythme, c'était un gros risque si jamais il y avait le fameux effondrement du pneu médium d'Hamilton de Russell un peu plus tard, parce que enfin en fait il avait largement le temps de s'arrêter le même tour que Verstappen, quoi. Donc j'ai pas trop compris la stratégie de Mercedes. Il y a peut-être un truc pour Russell, la première raison pour laquelle il a pu se laisser décrocher, j'imagine, hein, c'est de se dire le top 4 est en pneu dur, je suis en médium, j'ai aucune chance contre eux, il faut vraiment que j'économise mes pneus au cas où je dois aller au bout. Et la deuxième chose qu'on mentionnait juste avant, je me demande s'il n'a pas voulu justement faire croire par exemple à Norris qu'il n'avait pas de rythme, mais au moment où Norris aurait éventuellement pu s'arrêter, faire un tour super rapide pour tenter de lui prendre la position, parce que même avec des pneus neufs, Norris n'aurait jamais dépassé Russell, on peut imaginer. Donc c'est ce que j'imagine comme stratégie, c'est ce que je me suis dit en le voyant se décrocher. Est-ce qu'il veut provoquer un arrêt d'un des membres du top 4 pour essayer de subtiliser une position, parce que sinon je vois pas d'autres raisons à ça, quoi. Mais c'est vrai que je vois Yann dans le chat qui dit Russell n'était pas d'accord avec ses stratégies. En fait, on a l'impression que toutes les courses, tout le temps, les pilotes sont en train de reprocher à leur équipe la stratégie qu'on est en train de leur faire appliquer. Et on se demande, en fait, c'est bizarre parce que normalement, ils ont tous des briefs, il y a tous des stratégies et tout ça. Et ils ont tous des plans avec des plus 2, moins 2, machin. Mais c'est toujours basé sur des plans qui sont quand même globalement définis et auxquels les pilotes sont censés adhérer. Et je ne comprends pas pourquoi les pilotes ont toujours l'impression de tomber des nues, enfin donnent toujours l'impression de tomber des nues, en tout cas, quand on leur donne une stratégie et quand on leur a dit d'exécuter une consigne. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse chez Mercedes. Il reste aussi l'affaire de l'aileron avant, voilà, que George Russell a eu et pas Hamilton. Alors l'aileron avant, je précise quand même dans le chat, parce que ça fait un petit foin de la part de Lewis Hamilton dès la fin des livres, en disant je sais que je vais me prendre 2 dixièmes dans la vue parce que j'ai pas de nouvel aileron avant. C'est un aileron avant qui aurait dû normalement être arrivé qu'à Barcelone. Normalement, même pas au Canada, à Barcelone. Et ils ont réussi à en introduire un en avance. Et effectivement, je suis désolé, Lewis, tu vas chez Ferrari, c'est pas à toi qu'on va donner la prio. Et effectivement, plutôt on introduit l'aileron avant et plutôt on sait ce qu'il vaut. Je veux dire, on va pas attendre que 2 ailerons avant soient prêts pour savoir ce qu'il vaut pour la direction de développement. Donc, voilà, c'est vraiment une polémique pour le coup d'Hamilton qui est très inutile. Et oui, puis, on peut quand même revenir aussi sur le loupé sur l'outlap qui montre que Mercedes a vraiment la difficulté sur le plan opérationnel. Hein. Donc, c'est Mercedes qui avait arrêté Hamilton pour essayer de faire l'undercut sur Verstappen 51e tour, donc pour passer des durs à des nouveaux durs. Et donc logiquement, hein, l'autre lap, c'est le tour où on doit attaquer à fond. Impossible pour essayer de faire un undercut sur Verstappen. Et le problème, aussi improbable que cela puisse paraître, mais Mercedes n'a pas prévenu Hamilton que l'autre lap était important et qu'il fallait attaquer. Et c'est Toto Wolff qui l'a reconnu après course. Hein. Il y a eu une mauvaise communication entre nous. En fait, Toto Wolff a dit on hésitait. Est-ce que si Hamilton attaque trop dans son tour de sortie, est-ce que les pneus vont pas être trop abîmés pour la fin de la course, même si c'était que 26-27 tours, je crois. Et Wolff l'a reconnu, on aurait dû lui dire le tour de sortie est critique, attaque, ils ne l'ont pas dit. Donc c'est un nouveau loupé opérationnel qui est un peu passé sur les radars. Mais que cette équipe Mercedes, contrairement à Red Bull, contrairement à Ferrari, a des gros loupés sur le plan opérationnel. Et on a beaucoup glosé sur l'ingénieur de Leclerc, mais là, pour le coup, Bono, mais aussi, enfin, pas que Bono, hein, tout le bureau des stratégies de Mercedes devrait aussi se remettre en question, parce que sur le plan opérationnel, ça ne va pas non plus du tout chez Mercedes. Alors, ils sont peu dans un... Pour se dédouaner, ils avaient quand même peur que Hamilton fusille ses pneus durs en un seul tour. Oui, voilà. Mais c'est Monaco, bon. Oh, oui, c'est ça. Des pneus durs en 28 tours. Et de toute façon, Wolf, il a dit, on aurait dû lui dire, et voilà. C'est ça. Rien passé pendant 50 tours, ils avaient quand même eu le temps de débattre. Hein. Dire qu'on va fusiller un pneu sur 28 tours, alors que le machin est capable d'en faire 78, bon. C'est ça. Il n'y avait quasiment aucun graining. Hein. Les pneus durs qu'on fait toute la course, ils n'avaient quasiment aucun graining. Y a eu une petite phase de graining sur certaines voitures, mais ça n'a pas duré longtemps. Et finalement, ça s'est passé très rapidement. Je crois que Sainz en a eu un petit moment. Mercedes a dit à Norris qu'il en avait et que lui, c'était juste une petite abrasion. Mais en fait, je crois qu'au bout de deux tours, c'était réglé. De toute façon, à partir du moment où tu peux faire 70 tours avec les médiums, il ne faut pas trop avoir peur d'abîmer tes durs. Hein. C'est ça. En théorie, ils vont tenir. Hein. Sachant que ouais, le gap de durabilité des pneus est toujours énorme. On sait que les durs sont toujours beaucoup plus solides. Donc, Ouais, ils auraient pu faire Imola Monaco avec les durs et faire les 78 tours du Grand Prix, hein, sans problème. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est. Je pense que l'an prochain, il faut qu'ils obligent l'utilisation des tendres à Monaco. Comme ça, au moins, ça foutrait un peu le bordel. Parce que là... je pense qu'effectivement, ça va être discuté quand même qu'il y ait quelque chose de spécial. Enfin, là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que. Là, c'est bien parce que voilà, il faut aussi que la pression des fans, des nouveaux fans, se fasse pour que Monaco aussi accepte et que. Voilà. On peut faire quelque chose de spécial pour cette course. Parce que avant, quand on touchait à un format en F1, souvenez-vous, c'était toujours la levée de bouclier. Oui. Mais non, on ne touche pas à un format, on ne fait rien et tout. Maintenant, la tendance s'inverse. C'est allez, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est bien. Il y a un changement d'état d'esprit. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que, en fait, nous, enfin, les anciens fans qui ont regardé depuis longtemps, même nous, enfin, ou même ceux qui regardent encore depuis plus longtemps, ont un peu ce côté à se dire ouais, mais Monaco, c'est chouette parce qu'il y a eu des belles courses et tout. Du coup, on a des beaux souvenirs de Monaco qu'on a vécu en direct, des moments vraiment. Enfin, moi, le premier Grand Prix de Monaco, j'ai regardé, c'était 96. Ils partent à 20 et terminent à 3. Forcément, tu te doutes que la course, elle a été un petit peu agitée. Mais à côté de ça, c'est vrai que depuis maintenant, on est en 2024, donc depuis maintenant 20 ans, les voitures sont plus fiables et encore, elles sont encore plus depuis l'ère actuelle. Et il n'y a pas beaucoup de courses qui sont pas qui sont super, enfin qui sont fun quoi. Même moi, je me rappelle de voitures plus étroites, je pense à 2007 et 2009, où la course c'est pas drôle en fait, et pourtant c'est des voitures qui peuvent se doubler, mais on est sur des F1 qui vont très vite avec beaucoup d'appui et des pneus qui tiennent bien la route, qui sont solides, et en fait il n'y a pas tout ce côté où les pilotes peuvent faire plus d'erreurs ou moins bien passer qu'on a notamment en Formule 1. Alors c'est vrai que je prends la Formule 1 comme exemple, mais là pour le coup on peut, parce que en Formule 1 les voitures ont très peu d'appui, des pneus qui sont des pneus en bois qui ont zéro grip, sauf que ça va pas très vite, mais par contre les pilotes peuvent se doubler, ça passe à deux de front dans l'épingle, ça passe à deux de front un peu partout et ça se double. Alors ça tape un peu, il y a des bouts d'aileron qui volent, mais pour autant c'est une formule qui fonctionne mieux. Et la Formule 1 n'a plus trouvé cette formule depuis longtemps, et depuis l'époque où en fait on avait un plateau qui était moins bon, donc avec des pilotes du fond de grille qui vraiment ne tenaient pas 78 tours sans faire une erreur, et deux, des voitures qui étaient très très peu fiables. Je reprends 96 comme exemple, et 96 on a deux leaders qui abandonnent à cause d'une panne mécanique, en plus du poleman qui se crache dans les rails, etc. Donc en fait il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus aujourd'hui. Les voitures sont hyper solides, même quand ça tape les rails ça casse rarement une suspension. Et au final, oui, alors c'est vrai que je vois Molo qui dit Stroll a fini en soft avec des beaux dépassements. C'est vrai que Stroll fait un dépassement dans le tunnel qui est. Il fallait le faire, mais après, quand ta voiture roule 3 secondes plus vite que les autres, c'est un peu plus facile. C'était la preuve d'ailleurs qu'il faut amener un élément stratégique obligatoire pour les pneus. Oui, absolument. Stroll est le meilleur exemple. Je voulais en parler au moment de Stroll, mais bon, ça a été. Ouais, bon, on pourra revenir un peu dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que l'élément stratégique est vraiment crucial. Mais que là du coup il y en a eu zéro en fait. Alors après on peut aussi revenir, on pourra peut-être en parler au moment de Stroll, mais sur l'autorisation de changer les pneus au moment des drapeaux rouges, qui pose toujours problème en fait, encore et encore et toujours. Pour ce qui est de Mercedes, moi personnellement j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est vrai que c'est quatrième force du plateau, maintenant c'est clair et net, ils sont largement devant les autres je trouve, et ils sont largement derrière les trois top teams. Donc c'est un peu triste pour eux, mais en même temps c'est vrai que j'ai plus qui est dans le chat, je finis juste, c'est que ça risque d'être inquiétant le jour où ils auront une très bonne voiture, et on sent que opérationnellement ils sont un peu ramollis, et le jour où ils lutteront pour des victoires et qu'il faudra bien réagir au bon moment, je pense que ça leur coûtera des points et des succès. Attendons juste de voir si la direction du développement est la bonne, comme promis depuis quelques courses. Voir si la voiture est une plateforme saine ou pas. La fameuse étoile polaire. Mais du coup, l'air de rien, c'est leur meilleur week-end de l'année, hein, 5 et 7 en course. Je viens de vérifier. Ils ont marqué plus de points en Chine parce qu'il y avait eu le sprint, avec notamment la deuxième place d'Hamilton, mais c'est le week-end hors sprint où ils marquent le plus de points cette année à Mercedes. Ça situe quand même là où ils sont. Hein. C'est vrai. Et Dr Kenobi a raison, on s'en sort bien parce que l'enchaînement Miami, Imola, Monaco en termes de spectacle, ça aurait pu être vraiment bien pire. Mais on a eu un beau Grand Prix de Miami. Moi, je maintiens que c'est un circuit qui est plutôt pas mal pour les F1. Et Imola, finalement, nous a quand même donné quelques tours de tension à la fin pour pas qu'on s'enchaîne deux courses un peu pénibles. Donc voilà, en tout cas, ouais, Mercedes, effectivement, le meilleur week-end avec 5e et 7e, c'est pas terrible. C'était par contre le pire week-end de la saison de Red Bull, à peu de choses près. Enfin, on met l'Australie de côté puisqu'il y avait eu l'abandon de Verstappen, mais sinon, ça a été quand même vraiment catastrophique pour eux. 6e place de Max Verstappen en qualif et en course. 18e place de Sergio Perez en qualif, abandon approximativement au bout de 300 mètres. Alors, on va avoir plusieurs choses à parler. On va parler de Verstappen, parce que Perez, il y aura un grand débat qui va suivre. Verstappen, ça a été, bah, on l'a vu, un Verstappen sans marge et sans filet, et avec Verstappen qui fait beaucoup d'erreurs, comme à Imola, notamment le vendredi, où il n'arrive pas trop à faire de tour, mettre de tour vraiment bout à bout, comme on dit, et une erreur dans le plus mauvais moment, qui est le deuxième tour en qualif en Q3, où il n'améliore pas, où tout le monde améliore, il se retrouve en troisième ligne. Donc derrière, il s'est fait prendre en étau par deux Mercedes pendant toute la course, et il s'est un peu résigné, il a passé sa course à dire qu'il aurait bien aimé avoir un oreiller, ou qu'il voulait s'arrêter pour aller faire pipi, ou des genres de choses comme ça. Donc c'était... je pense que Max Verstappen a passé un très mauvais week-end à cause d'une Red Bull RB20 qui a des gros problèmes de suspension sur les vibreurs et les bosses. Et ça, en fait, c'est pas des questions de réglage, c'est des questions de conception de la suspension et de la voiture que Red Bull va creuser, parce que pour l'instant, ils n'ont pas la solution. Donc c'est... déjà, c'est un peu bizarre, enfin, c'est un peu bizarre, un peu surprenant de voir Red Bull dire qu'ils n'ont pas de solution. Et surtout, ça risque de leur poser problème sur d'autres circuits, Franck. Là où ça passait l'an dernier, parce qu'ils avaient un monde d'avance sur les autres, maintenant que les écarts se sont resserrés, ce genre de soucis d'absorption des bosses, c'est vraiment ça, la question de rigidité de la voiture qui est beaucoup trop importante. C'est ce que dit Verstappen. À la radio, quand il dit « Vous savez pourquoi je ne peux pas faire mieux ?» Et voilà, c'est parce qu'il y a vraiment un problème de rigidité, de suspension, qu'ils ne peuvent pas corriger sur ce Grand Prix-là, ni même cette saison. Et donc, on sait qu'Adrien Newey avait parlé, effectivement, une course avant ou deux courses auparavant, d'un souci fondamental sur la RB20 qu'il aimerait bien corriger, soit en cours de saison, soit pour l'année prochaine. Est-ce que c'est ce souci-là dont il parle ? C'est fort possible. Voilà, comment rendre effectivement la Red Bull un peu plus docile sur les bosses et les vibreurs ? Ça va être la clé, effectivement, de... Monaco s'est passé. Il y a encore Singapour en fin d'année qui risquerait de leur poser à nouveau un souci. Mais... Il y a d'autres circuits, voilà. Je pense, parce que le Canada, c'est énormément de vibreurs et ce n'est pas une piste très lisse. Alors, le Canada, c'est, au niveau des vibreurs, c'est quand même très plat, sauf la dernière chicane. Donc, oui. Horner a un peu relativisé le problème du Canada. C'est qu'effectivement, à part la dernière chicane, où il y a effectivement un gros coup vibreur à absorber, les autres vibreurs sont quand même plutôt plats. On peut les enjamber assez facilement. Mais il faut espérer que le problème fondamental, c'est pas les freins, parce que le Canada, c'est le plus exigeant pour les freins. Non, mais voilà. Mais donc Verstappen, il a fait du Verstappen, encore une fois. Il s'est adapté au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'en qualification, on se dise, il est pas mal, il peut jouer la pole peut-être. en tout cas, sur un très très bon dernier tour, s'il avait pu le faire, pourquoi pas, hein, ou au moins deuxième ou troisième. Et ça aurait été autre chose pour lui derrière en termes de déroulé de course. Mais voilà, il a surcompensé effectivement les problèmes de la RB20. Parce que le niveau de la RB20, c'est peut-être pas le niveau 18e de Perez, parce que bon, Perez il s'est complètement loupé en Q1, mais c'était élimination en Q2, quoi. C'était peut-être ça ce qui pendait au nez du niveau de la Red Bull avec Perez au volant. Et donc, donc Verstappen fait encore un excellent week-end. Je suis désolé par rapport à la monoplace qu'il avait. Maintenant, il se loupe effectivement à un moment stratégique qui est le deuxième tour de Q3. Donc voilà, petite faute sur lui aussi à ce moment-là. Mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il n'aurait pas chopé la pole pour autant. Non. Et voilà, c'était le week-end façon de Ferrari et de Leclerc. Donc voilà, mais ça aurait pu faire mieux. Ça aurait pu faire deuxième ou troisième, je pense, avec un deuxième tour qui était à peu près réussi. Comme tu dis, il rate aussi ce deuxième tour parce que la voiture est tellement difficile à piloter depuis deux voire trois week-ends maintenant que peut-être tout simplement tout Max Verstappen qu'il est, même lui ne pouvait pas tirer le maximum de cette voiture sur un tour à Monaco. Comme tu dis, heureusement qu'il est là, il sauve le week-end de Red Bull finalement, parce que si on avait deux Perez chez Red Bull, on n'aurait pas de points ce week-end. Donc il sauve le week-end, il sauve peut-être, qui sait, les points vont vraiment commencer à valoir cher, il sauve peut-être un championnat. On verra dans quelques mois où on en est. Mais c'est, encore une fois, je suis d'accord, un week-end très réussi pour lui parce qu'il tire le max. Moi, je suis désolé, on peut dire qu'il fait une erreur, mais quand je n'ai même pas fait exprès. Mais quand vous tirez le maximum d'une voiture difficile à piloter, bah, faire sixième, c'est quand même un bon résultat. Et sur un circuit plus conventionnel, qui sait, hein, en course, c'est un tout autre pilote encore, Verstappen, donc il aurait très bien pu aussi regagner des positions. Mais Monaco étant Monaco, évidemment, il s'est cantonné à la sixième place et n'a rien pu faire. Ça, après avoir eu 0 dit en Q1, Perez n'a que 3 dixièmes, c'est sur 350 je crois millièmes d'écart avec Max. Il n'est pas tant à la ramasse que ça, mais les écarts sont tellement faibles entre les voitures que ça le met loin. Alors c'est vrai, 3 dixièmes sur un circuit urbain, donc ils ont fait le roi. C'est voilà, quand même c'est le roi sur un circuit qui fait 1 minute 10, hein. Voilà. C'est énorme, 3 dixièmes sur 1 minute 10. 3 dixièmes sur 1 minute 10, ça fait du 5 dixièmes. Ça fait cette demi-seconde classique sur un circuit d'une minute 30, 1 minute 40 en fait. Donc, c'est énorme à Monaco, c'est vraiment le niveau du pilote là. Et là, ouais. ça taxe fort quoi. Ouais, ça fait mal. Alors, il y a des pilotes qui ont pris plus cher hein, ce week-end, on ne citera pas de nom tout de suite, mais c'est vrai que lui, il a, ben, voilà, il y a quand même ces 3 dixièmes-là. Alors, c'est sûr que s'il avait optimisé son deuxième tour en Q1, il serait passé, mais le fait est qu'il est 18e sur la grille et que, aussi rétive a été la Red Bull ce week-end, c'est pas acceptable. Enfin, moi, je trouve que là, on tourne vraiment déjà à la 11e place. L'élimination en Q2 à Imola, c'était un petit peu pénible à voir parce que c'est pareil, la voiture jouait à la victoire. Là, on a une voiture qui joue le top 5. On va dire, parce que sa vitesse intrinsèque, si Verstappen ne fait pas d'erreur en qualif, c'est top 3, top 5. Et lui, il est 18e, en fait. Et derrière, il rate son départ, il se fait prendre dans un accident. Et en fait, s'il avait bien réussi sa qualif, il n'aurait pas fait prendre dans un accident. Donc en fait, on va revenir après sur l'accident lui-même. Mais moi, je trouve que le Perez, s'il ne recorrige pas le tir dans 2-3 courses, ça va être vraiment vite compliqué parce que... En face, il y a deux équipes qui ont deux pilotes, en fait. Donc, Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a de plus en plus de bruit qui soulignerait que sa prolongation serait imminente. Oui. Donc, d'où la question qu'on peut poser, est-ce qu'il ne prolonge pas Pérez trop tôt? On se rappelle l'an dernier, il avait fait un excellent début de saison, puis à partir de Miami, plus rien. Voilà. Est-ce que ça sera la même tendance? C'est un peu trop tôt pour le dire, bien sûr, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour Red Bull d'attendre, savoir si Pérez ne va pas repartir sur sa pente descendante avant de prendre une décision? Ils ont bien fait de ne pas l'avoir déjà prolongé, en tout cas, parce que Perez, fort d'un bon début de saison, il faut quand même le dire, poussé clairement en interne et dans la presse pour entraîner une prolongation qui méritait après 4 courses, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est vrai que depuis. Là, j'ai l'impression qu'on assiste à un copier-coller de la saison 2023 pour Perez. C'est la même chose. Mais sans victoire. L'an passé, mais sans victoire cette fois-ci, exactement. L'an passé, ça commençait très fort. On en parlait presque d'un candidat au titre. Et au bout de la 5e, 6e course, c'est pareil. L'écart s'est fait voir. Mais là, dans un peloton encore plus resserré, ça se voit encore plus. Il est déjà 5e du championnat. Il a déjà dégringolé largement au classement. Alors, qu'il ne joue pas le titre cette année, on le savait avant la saison, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais même parié sur le fait qu'il ne gagnerait aucune course cette année. Mais là, que la spirale négative d'une saison aussi longue ait déjà commencé pour lui, sachant, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'ils n'ont aucune marge, donc des éliminations en Q1 ou en Q2, il pourrait y en avoir d'autres à ce rythme-là, ça va faire mal. Et prolongation, clairement, là, en ce moment, il ne la mérite pas. La question, c'est toujours pareil, est-ce que Red Bull voudra un peu de continuité si jamais on assiste encore à un scénario incroyable où Verstappen s'en va? C'est que demande Vardon dans le chat. Ouais. Comment? C'est ce que demande Vardon dans le chat. Est-ce qu'ils veulent garder Perez au cas où pour ne pas faire un 100% neuf si Verstappen s'en va? Non. Le truc, c'est que là, la stabilité ne justifie plus le fait de le garder parce qu'il y a au moins 10 pilotes sur la grille où qu'on peut penser fera mieux que lui. Tsunoda pour commencer. Je pense que c'est peut-être. C'est peut-être une manière de garder Verstappen, justement, de prolonger Perez, parce que c'est que Perez ne crée pas des noises à Verstappen, et voilà, ça peut jouer aussi dans la... Je pense pas. Je pense que Verstappen, il va prendre n'importe qui. Non, mais après, juste pour revenir sur les rumeurs comme quoi Perez serait sur le point de prolonger, il faut quand même nuancer, parce que Marco a quand même dit qu'il était en bonne position, mais pas en pole position. Ça veut quand même tout dire. Je veux dire, donc il faut quand même, voilà, sur les rumeurs effectivement qui ont circulé, Marco, il a quand même plusieurs fois dit qu'effectivement c'était forcément un candidat à sa propre, j'allais dire, réélection. succession, ils ont tellement de choix dans la filière Red Bull, je veux dire, Tsunoda, il mérite totalement d'être promu. Si Honda n'a pas d'autres plans pour lui chez Aston, voilà, qui sont certainement en train de se négocier aussi en parallèle. Je veux dire, il y a Tsunoda qui mérite d'être promu, il y a Lawson qui mérite d'avoir une place aussi, peut-être pas directement chez Red Bull aussi. Richardo, bon, je ne vois pas revenir aux côtés de Verstappen, si ce n'est pour se faire détruire mentalement au bout de quelques courses. Mais Perez, pour moi, il n'est pas prolongé parce que Verstappen s'en irait, ça c'est sûr. Je pense qu'il autant faire table rase et mettre un Sainz derrière ou quelqu'un d'autre qui connaisse et qui va vraiment vite. Pérez, pour moi, oui, effectivement, son seul intérêt, c'est que c'est un wingman, un ailier qui ne fait aucune vague à côté de Verstappen. C'est son seul intérêt. Mais là, on le disait, hein, l'écart va devenir criant parce que, en termes de championnat, ça commence à coûter cher. À se demander s'ils ne font pas exprès de finir deuxième au 30 juin, voire plus de pourcentage de développement sur la deuxième partie de l'année. Parce que oui, il y a ça qui se joue aussi, parce que Ferrari, ils sont qu'à une idée de vingtaine de points. Ça peut s'inverser. Si ça s'inverse au 30 juin, c'est Ferrari qui aura que 70% de développement et 75% à Red Bull. Et c'est plus la même chose après derrière en termes de ressources pour la fin de saison et pour préparer 2025. Donc, en fait, Checo s'est fait féliciter pour son abandon et sa 18e place. Quoi, avec 2 ou 3 millions d'euros de dégâts, ça coûte, c'est un week-end qui coûte très cher, autant en termes de résultats qu'en termes de budget de cap. Effectivement, c'était Guigui dans le chat qui demandait combien ça allait coûter à Red Bull et si ça allait avoir un impact sur le budget de développement. Alors, budget de développement, c'est pas énorme hein, dans une équipe par rapport sur les 135 millions, c'est à peu près 4 millions par an. Pour autant, ça aura un impact sur le budget de fonctionnement, quoi qu'il arrive, que ce soit le développement ou autre chose. C'est toujours de l'argent en moins. Et c'est vrai que Helmut Marko, bon, je le soupçonne d'avoir un petit peu dramatisé. Il a mis 2 ou 3 millions. Il exagère beaucoup. Juste pour dire, il exagère parce qu'en fait, quasiment tout le monde est d'accord pour dire que les châssis, les cockpits de 2025 seront les mêmes que ceux de 2024. Ah oui. Donc, ils seront de toute façon, il y aura forcément un qui sera créé et l'an prochain, il n'y aura pas de nouveau cockpit. Ils ne vont pas refaire un nouveau cockpit pour une année. Donc, ça va se lisser dans tout ça. Après, effectivement, pour tout ce qui est périphérique, oui, ça va coûter cher, mais pas 2 millions. Je pense qu'Helmut Marko a des racines marseillaises. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, parce que 2-3 millions, je crois que le crash de Verstappen Silverstone 2021, alors bon, c'était les anciennes voitures, mais c'était un peu moins de 2 millions. Ouais. Je pense pas que les voitures coûtent 1 million plus cher comme elles sont là. Il y a eu la crise, il y a l'Ukraine, il y a l'inflation et tout, tu sais maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Après, si on avait la discussion avec Franck, même si on prend 1 million de dollars, ça représenterait un peu moins d'1% du montant total des budgets plafonnés avec les malus, les bonus liés à l'inflation. Donc, mine de rien, 1% du budget d'une équipe, en un crash, ce serait pareil. C'est ça. C'est clair. De toute façon, c'est jamais rien. Enfin, c'est vrai que même. Là, c'est en plus, on voit que la voiture a vraiment été détruite. On va peut-être passer à ce crash parce que c'est quand même un des débats du week-end. Savoir déjà, est-ce que c'est Pérez qui est responsable parce qu'il n'a pas laissé la place à Magnussen ou est-ce que c'est Magnussen qui met le nez où il n'aurait pas dû le mettre, comme elle a dit avec un peu plus de relief Loïc Duval, je crois, sur Canal. Je crois. Là où ça sent pas bon, il a dit. Voilà, c'est ça. Et du coup, alors, on va faire un petit tour de table, entre guillemets, tour de table virtuelle rapide. Franck, est-ce que tu mettrais Pérez ou Magnussen comme responsable? Alors, ça a été tranché, on rappelle 50-50 par les commissaires. Donc, oui. Voilà. Moi, j'ai tendance à mettre un poil plus à Pérez qu'à Magnussen sur ce coup-là. Parce que Magnussen commence à le dépasser alors que la piste le permet totalement à cet endroit-là. Donc, c'est à Pérez de surveiller ses rétros, de laisser la place à côté et pas de faire comme s'il n'était pas là. Donc, pour moi, c'est un peu plus de pourcentage de responsabilité à Pérez. Ok, Paul. Alors moi je dirais dans un premier temps que Pérez est premièrement responsable de cet accrochage parce qu'il n'avait rien à faire en fond de grille. Et non, mais quand on se fait éliminer en Q1, quand on est éliminé en Q1, on s'expose au risque. Après voilà, la question de savoir qui est responsable, je suis aussi assez partagé parce qu'effectivement Pérez avait la place d'aller à gauche, ça c'est vrai, c'est un fait, par contre je ne comprends pas ce que Magnussen essaie de faire non plus. Donc allez, je serais tenté de dire que c'est un incident de course et qu'il y a responsabilité partagée, mais pour moi, il y a une faute des deux, une faute qui est très différente. Pérez doit gérer et s'écarte à gauche parce que de toute façon, depuis sa position, il n'avait rien espéré. Et Magnussen doit être un peu moins optimiste quand même, surtout vu son passif des récents Grands Prix. J'ai eu très peur pour Magnussen que c'était les deux points qui manquaient sur le permis à l'arrivée sur ce coup-là et qu'il allait être suspendu au prochain Grand Prix. Je me suis dit, sur le coup, les premiers ralentis que j'ai vus, je me suis vraiment dit, c'est 100% Magnussen. Et puis ensuite, selon les autres angles qu'on a pu voir, on voit que Pérez, effectivement, peut écarter à gauche, il ne le fait pas. Mais je me suis dit, ça y est, la course de suspension, elle est là. En tout cas, voilà, c'est pour ça que sur le coup, j'ai un peu plus mis la faute à Verstappen, à Magnussen, parce que sur son passif récent, j'aurais bien voulu voir un Magnussen un peu plus prudent, mais bon. Pour le reste, c'est partagé. Sur Magnussen, je pense que sa pénalité, sa course de suspension, elle finira par tomber, hein, puisqu'il ne tiendra jamais une année. Non, c'est ça. Et sur l'incident, moi, je dirais que je mettrais plutôt Magnussen, 2 tiers Magnussen et 1 tiers Pérez. Que bon, Magnussen, Pérez, il savait que Magnussen est derrière lui, mais Magnussen, pour moi, il tente une manœuvre qui est un petit peu trop optimiste aussi. Hein. Il savait que la trajectoire, là, elle a un peu se raccourcir, se resserrer, mais il a quand même Ah mais c'est pas une question de trajectoire quand tu tentes un dépassement, l'autre pilote doit s'adapter. Hein. C'est plus une question de trajectoire. Ouais, mais à mon avis, il aurait dû considérer le fait que c'était trop tendu et un peu lever le pied, mais on sait que Magnussen n'est pas du genre donc, à lever le pied parfois. Donc moi, je mettrais un peu plus Magnussen que Perez. C'est de voilà, lorsqu'on a vu l'accident, on s'est tous dit encore Magnussen, mais en fait, c'est plus partagé que ça. Et je trouve que la FIA a pris quand même une décision. Bon, ils auraient pu ouvrir l'enquête, mais je trouve que la décision est bonne en soi. Ouais. Bah moi je. Mon avis, il est plus côté comme Alex, et je mets plus sur Magnussen parce que au moment où il y va, en fait, il y a déjà quasiment pas la place. Perez s'est déjà décalé pour bloquer un peu la piste à cet endroit-là. Et Perez est sur une trajectoire en fait qui referme jusqu'à au rail parce que le rail va vers la gauche. Et Magnussen, il va quand même et il se fait toucher une première fois et en fait il ralentit pas. Il garde le pied dedans comme à chaque fois qu'il a un problème et qu'il sait pas trop quoi faire. Il garde le pied dedans. Et ça touche une première fois le rail et en fait il bah derrière ça retape et Perez est pas fin non plus parce que Perez bah au bout d'un moment t'es dans le peloton avec une Red Bull comme ça bah tu assumes que tu dois faire gaffe à ce que tu fais et c'est vrai que je suis d'accord avec toi Paul sur le fait que la position de Perez en piste est pas celle dans laquelle il devrait être et que c'est aussi sa faute pour ça. Moi j'avais un peu le même argument à l'époque entre pour l'accrochage Bottas Russell à Imola 2021 où Bottas se fait accrocher par une Williams avec une Mercedes donc il y a pas de enfin il y a un problème quand même mais effectivement Magnussen est un bourrin en fait. Ça qui m'énerve c'est que Perez fait pas gaffe donc c'est une erreur d'inattention. Magnussen c'est de toute façon maintenant j'ai mis les roues, j'y vais et on verra bien ce qui se passe et je trouve que c'est l'intention est différente en fait entre les deux. Perez fait juste comme s'il n'y avait personne autour, ce qui n'est pas bien non plus. Hein. Donc moi, je lui mets 35-40% de maximum de responsabilité. Mais Magnussen, je trouve qu'il y a un vrai problème. Et je voulais quand même, pour moi, mettre un gros carton rouge à la FIA. C'est-à-dire qu'on a, dans un accident où on a un photographe blessé, un bilan qui aurait pu être bien plus dramatique, un Hülkenberg qui te fait satelliser alors qu'il n'a rien demandé, Perez qui se fait déboîter dans le mur par Magnussen, parce que le choc est d'une violence extrême sur un circuit quand même où c'est dangereux. Les deux pilotes impliqués sont les deux qui aujourd'hui ont le plus de points de pénalité. C'est-à-dire qu'à tous les deux, ils en ont 18. Magnussen en a 10, Perez en a 8. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 ou 8 Perez. Et en fait, aucun des deux n'est appelé chez les commissaires. Donc, moi, au bout d'un moment, je ne comprends pas que. Ok, pour le 50-50, je veux dire, on peut statuer sur un 50-50 à la fin. Mais la moindre des choses, c'est quand même de les entendre pour savoir pourquoi. Et savoir quelle était l'intention derrière, parce que c'est des pilotes, on sait qu'ils peuvent être un peu têtus, et s'il y en a un des deux qui arrive dans le bureau des commissaires en disant « de toute façon, j'aurais dû y aller, enfin c'était ma place, machin », et qu'il est, en gros, il assume le fait d'avoir provoqué ça, et ben on le dégage, en fait, tout simplement. Et quand c'est des pilotes qui ont un passif comme ça, assez musclé, assez chargé, je trouve que c'est dommage de se dire « bah c'est quoi, de toute façon, c'est bon, on fout la poussière sur le tapis ». Et moi, j'étais sûr dès le départ que Magnussen ne serait pas pénalisé parce que les commissaires vont louvoyer au maximum toute la saison pour ne pas le pénaliser. Et parce qu'un pilote qui est suspendu en catégorie reine, ça fait pas une très belle image, en fait. On se rappelle de Gasly, hein, qui a atteint 10 points et qui derrière, fait des choses qu'il avait déjà faites avant. Et les commissaires disent « oui, mais là, c'est le premier tour, oui, mais là, c'est ça, machin ». Et là, en fait, il y a pas d'enquête, donc on sait pas pourquoi il y a pas d'enquête. Si tout va bien, ils ont juste statué que c'était le premier tour, et derrière ils mettent quand même une pénalité à Ocon sans même d'audience non plus. Donc en fait, encore une fois, les commissaires font ce qu'ils veulent quand ils veulent, quoi. Et moi, c'est un peu le truc qui me pose problème. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce coup-là. Moi, je dis que effectivement, même nous, on a du mal à se mettre d'accord sur les responsabilités du crash. Donc du coup, logique de classer ça en accident de course, je pense. Donc la différence, c'est qu'eux peuvent entendre les pilotes, quoi. Oui, on est d'accord, mais tu ne vas pas les convoquer juste pour avoir leur opinion ou leur avis, ça ne s'est encore jamais fait. Par contre, le fait de ne pas pénaliser un pilote de F1, ça, je suis pas d'accord avec toi. S'ils ont effectivement on ne parle pas d'un Verstappen, d'un Leclerc ou d'un cadre de championnat, on parle de Magnussen. S'il se prend une course de suspension, je veux dire, pourquoi pas. On a bien fait sauter Romain Grosjean après Spa 2012. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune volonté de freiner. Ces deux points de pénalité sur les 17 courses, 16 courses qui va rester, 16 courses, il risque bien de les prendre. Oui, moi je pense qu'il les prendra quand même à un moment ou à un autre, parce que c'est Magnussen et que c'est voilà, le festival. Pour ce permis à points, il sert à quelque chose aussi. Si oui. Derrière, on voit que les commissaires font exprès de freiner, alors que c'est vraiment mérité qu'ils prennent des points de pénalité, qu'ils n'en prennent aucun, là par contre, il y aura effectivement un gros débat. On se dira, ok, la FIA, du coup, là maintenant, ils savent aussi freiner des cas de fer quand il ne faut pas pénaliser un pilote. Et donc là, du coup, ouais, effectivement, là, il n'y aura plus de côté impartial. Non, si Magnussen mérite ses points de pénalité, il les prendra. Là, sur ce coup-là, je suis désolé, comme on n'est déjà pas d'accord entre nous, que ce n'est pas du 100-0, tu peux pas convoquer un pilote et lui mettre les points de pénalité. Donc, sur ce coup-là, je suis désolé, je comprends les commissaires. Enfin, là, sur ce coup-là, je les défends. Voilà. Ouais, non, moi, je trouve que ça aurait été bien d'avoir l'intention derrière, parce que pour moi, il y a une grosse, grosse différence d'intention entre les deux. Et je trouve que Magnussen, vraiment, il y a ce côté où il y va et ça passe pas, et ça, il touche le rail, et en fait, il n'y a vraiment pas de modification de sa part, quoi. Il y reste, et puis de toute façon, il parie. Quand il commence à te dépasser, c'est quand même assez large, et c'est pas une question de trajectoire, c'est parce que la trajectoire, elle doit couper vers le rail. Vers la droite, que Pérez il peut pas aller un peu vers la gauche. Ouais, mais Pérez se décale quand il est encore totalement devant Magnussen. Alors, il se décale pas assez parce que effectivement Magnussen peut se décaler à ce moment-là, mais en fait avec la trajectoire du rail, Pérez ensuite continue un peu artificiellement son décalage vers la droite et il se décale avant que Magnussen soit même à sa hauteur puisque ça ne touche pas l'aileron. Donc Magnussen fait une petite réaction à droite et ensuite passe. Et moi pour moi c'est là où il y va un peu fort et c'est pour ça que je lui mets. Après encore une fois Pérez est pas malin non plus. Et tant mieux qu'on puisse en parler comme ça, que ça veut dire qu'il n'aurait rien arrivé. On aurait été un peu plus, forcément, s'il y avait des blessés, on serait un peu plus ouais, délicat, on va dire. Mais les images des spectateurs étaient beaucoup plus choquantes que celles diffusées à la télévision en termes d'impact du crash. Hein. Ouais, je trouve que le onboard de Pérez aussi, il est d'une violence. C'est assez impressionnant. Voilà, les mouvements latéraux de la tête sont rarement vus en période, enfin depuis pas mal d'années, je trouve. Non, Jongleur qui dit trois pilotes en cause, j'ai du mal à comprendre le troisième, mais. Hülkenberg, je pense, il parle. Hülkenberg, c'est victime collatérale de. Ah oui, Hülkenberg, il essaie de passer parce qu'il voit que ça part un petit peu, mais il est déjà en train de les dépasser vu qu'ils sont en train de ralentir. Donc... Et Ericsson, peut-être. Ericsson, c'était à 1500, il est sorti au premier tour. Ouais, et lui, c'était pas de sa faute pour le coup. Alors, on a une pensée pour McLaren qui a fait deuxième en IndyCar, deuxième en Formule 1, deuxième en Monaco. Ouais, c'était une belle journée de deuxième place. Zach Poulidor Brown. mais après c'est vrai que dans tous les cas moi Pérez, je mets aussi la responsabilité effectivement qu'il a rien à faire là parce qu'il rate son départ et se retrouve avec des As qui on n'oublie pas avaient été disqualifiés. D'ailleurs on va pouvoir passer aussi à As directement parce que normalement on fait dans l'ordre mais là vu que c'est un petit peu mêlé entre les deux puisque les trois pilotes ont abandonné hein, donc c'est juste on demande les news du photographe et en fait il a eu une légère coupure à la tête mais très superficielle et il a même pu reprendre son poste avant la fin du Grand Prix et finir de shooter pour son agence donc tout va bien pour lui. Alors Jongleur dit de Hülkenberg, il voit que ça ne passera pas, mais je ne sais pas si tu te rends compte qu'au moment où il voit que ça ne passera pas, il est déjà à la hauteur du crash. Donc s'il freine, il a encore plus de risques de se prendre une épave aussi sur lui. Quoi. Donc une F1 ne freine pas non plus, enfin ça freine fort, mais tu ne l'arrêtes pas et puis il ne peut pas piler parce que derrière il y a aussi Guanyu Zhou en fait. Donc c'est compliqué de... Ils réagissent comme ils peuvent et pour moi, Hülkenberg c'est une victime collatérale. Il y a pas, tu ne peux pas dire qu'il a essayé de passer, enfin... S'il freine, il se prend la Red Bull de plein fouet de côté. Hein. Donc, il a tout intérêt à essayer justement d'esquiver par gauche. Et pour moi, il a un réflexe incroyable. Hein. Hülkenberg, il n'a pas de chance. Il a juste pas de chance, mais il fait la bonne chose en essayant de passer par clairement. La gauche. Et en plus, ça ne passe pas de peu parce qu'il se fait harponner juste la roue arrière. Quoi. Donc, le rebond aurait été légèrement moins direct de la Red Bull dans le mur. C'était bon. Quoi. Donc, du coup, on peut classer As aussi, juste en parlant effectivement aussi du problème de. Bah, qui leur foire le week-end, c'est le problème de DRS. C'est le DRS, donc effectivement, juste pour rappeler, c'est que il y a eu un problème de communication en fait. On l'a détaillé sur Next Gen Auto, un problème de communication entre la partie entre le concepteur de l'aileron. Pour une fois qu'ils avaient un paquet spécial Monaco. Voilà, un aileron spécial qui s'ouvrait. Steiner a sûrement pensé que ça ne serait pas arrivé sous mon règne. J'avais pas de package Monaco. Voilà, et donc normalement, l'écart de 85 mm doit être en fait entre la. Bon, c'est ouvert. Donc si vous avez les deux, 80 mm doit être sur toute la longueur de l'aileron. Et en fait, chez As, par habitude, ils ont surtout contrôlé en fait au centre parce que effectivement à cet endroit-là que ça pêche en général le plus. Sauf que cette fois-ci, c'était aux extrémités que avec ce nouvel aileron que ça s'ouvre un peu plus que les 85 mm. Et comme ils n'ont pas vérifié que le concepteur n'a pas transmis l'information comme quoi les extrémités avaient bougé et qu'il fallait aussi contrôler, donc c'était erreur du concepteur de ne pas avoir prévenu et erreur aussi de l'équipe en charge de la vérification technique. L'équipe, il y a une personne qui est chargée de la légalité au sein de As qui n'a pas vérifié sur toute la longueur de l'aileron. Donc, double faute, pénalisation directe et sans appel, disqualification. Partir en fonderie à Monaco, c'est même avoir aucune chance. Et là, on se dit, ils auraient même mieux fait de rester rester à la maison parce que là, ça leur coûte un petit peu cher en dégâts aussi pour rien. Quoi. Un départ des Saints aurait été moins coûteux parce qu'ils auraient pu éviter le carnage. Il avait pensé en plus comme ça parce qu'ils ont changé de réglage et au final, ils ont décidé de partir de la grille parce qu'ils se sont dit c'est peut-être notre seul moyen de gratter une ou deux places, mais bon, ils ont plutôt gratté 1 ou 2 millions d'euros de dégâts. Il y a de la casse aussi hein, sur les deux. Voilà, c'est pour classer As. À moins que vous ayez encore des choses à dire sur. Non, bah après, en termes de performance, ils étaient à peu près. Pas loin. Ouais, statistique assez impressionnante, puisque du coup, il y avait une fin de série pour les deux. Et pour un peu marquer la différence, enfin, donner du relief à la différence entre Hülkenberg et Magnussen, c'est une fin de série de 3Q3 pour Hülkenberg. Et c'était une fin de série de 4Q1 pour Magnussen, qui n'était pas venu en Q2 depuis 5 courses. Et donc, plus proche du Hülkenberg. Ce week-end là. Mais voilà, donc on voit que ça faisait 3 courses de suite où Magnussen était éliminé en Q1 et Hülkenberg allait en Q3. Donc c'est quand même. Ça pique un peu. Warius qui demande, Magnussen ne va-t-il pas un petit peu se faire souffler dans les bronches par Komatsu? Je pense que Komatsu en a un peu marre de Magnussen globalement, parce qu'en ce moment, c'est pas. Les performances sont pas là, il fait n'importe quoi en piste. Là, il est dans un accrochage qui coûte vraiment très cher. Donc je pense il ne sera pas prolongé. Non. On en parlera dans Alpine. Voilà. Mais non, il ne sera pas prolongé et ça, c'est évident maintenant. Allez, il peut aller chez Alpine, hein, qui sait. le retour à Einstein. Tu veux détruire les fans d'Alpine complètement, c'est ça? Tu veux les détruire totalement ce soir? Retour à 2016, Magnussen Palmer, le retour. Palmer qui sort de sa retraite de pilote pour prendre sa retraite de consultant et revenir en Formule 1. non, mais oui, c'est vrai que. Non, je pense qu'Alpine aura un peu mieux, mais. Faut pas Vettel quand vous y êtes. Oh, pardon. on parle de pilote encore en forme, là. Ah, je rigole. Voilà, donc As, oui, non, à part ça, pas grand chose à dire. Hein, c'est pas. En tout cas, ouais, le week-end qui coûte cher aussi pour eux. Ensuite, on passe à RBF1, Visa Cash App RBF1 pour les intimes. Tsunoda P8 avec 4 points de plus et Ricardo 12e avec une qualif un peu ratée et une grosse déception de sa part puisque du coup il s'est rendu compte à la fin de la qualif qu'il ne pourrait pas faire mieux. Donc c'était un peu triste pour lui, là, qu'il s'est qualifié 13e. Tsunoda encore, enfin moi je commence rapidement, mais Tsunoda pour moi est encore d'un très très haut niveau. Week-end après week-end, il a été très très bon en essai libre, pas une erreur, course très intelligente, on lui demande en course de perdre des secondes et il accepte de le faire, et à quelques tours de la fin, on lui dit allez c'est bon tu peux attaquer, il a dit ah bah c'est ce que j'aime entendre, et il a attaqué, il a fait des gros tours, finalement ça n'a pas duré longtemps, je pense que ses pneus ont eu du mal à se mettre en température, mais voilà, ça fait 4 points de plus pour RBF1 qui consolide largement sa 6ème place au championnat, qui se rapproche d'Aston Martin aussi, donc c'est l'objectif maintenant qu'avoue un petit peu Peter Bayer, le PDG, c'est de dire, bah là, on peut peut-être commencer à réfléchir à aller faire le top 5, le fameux top 5 que Franz Tost a visé pendant 15 ans et qu'ils n'ont jamais réussi à avoir. Peut-être que le problème était Franz Tost, mais je ne tirerai pas de conclusion hâtive. Tout ça pour dire qu'en tout cas, voilà, encore une fois, un Tsunoda qui prouve, en fait, week-end après week-end, qu'il est toujours au rendez-vous, toujours dans les mêmes performances et qui, pour moi, malgré tout, même si Red Bull n'a pas à le considérer, se place comme un vrai candidat au baquet Red Bull, en tout cas, Alex. C'est son 6e départ dans le top 10 lors des 7 dernières courses. Donc, on a parlé de la régularité de Hülkenberg, mais Tsunoda, sa régularité est d'autant plus excellente. Et effectivement, hein, ça doit commencer à trotter dans la tête. Et je pense que Tsunoda l'a dit clairement aussi. Hein, j'ai bien aimé son attitude. Hein. Moi, je suis venu chez RBF1, enfin, chez Toro Rosso, etc. Pour avoir une place chez Red Bull. S'il n'y a pas de place chez Red Bull, j'irai voir ailleurs. Et... voilà, il est dans cette dynamique-là, il est en position de force, il fait vraiment tout bien cette saison, ça confirme tout le bien ce qu'on pensait de lui, et voilà, on en a déjà parlé, mais si un pilote qui mangeait Uber Eats, faisait pas de sport et n'apprenait aucun circuit, faisait les bonnes performances, alors qu'est-ce qui se passera si Tsunoda travaille, hein, il était sur l'autoroute à 120 km/h, mais dans une Ferrari, un autre pilote qui était à 120 km/h sur l'autoroute, mais dans une R5 même pas électrique, donc voilà, ça peut faire très mal pour la suite. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord, on avait beaucoup parlé de sa maturité à Imola, parce que lui-même en avait parlé en fait, en disant qu'il était de plus en plus sous contrôle des choses en course, il savait exactement ce qu'il avait à faire, qu'il était à l'aise, qu'il communiquait très bien avec ses ingénieurs, qu'il apprenait à ne pas ouvrir la radio quand il était frustré, qu'il apprenait à mettre sa frustration de côté ce qui lui a longtemps été reproché pour avoir des commentaires constructifs et ne pas paniquer au moindre contretemps en course. Et là, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Je pense que le Tsunoda de 2022, on lui aurait demandé de perdre 3 secondes au tour à certains moments de la course. Il aurait hurlé sur son ingénieur, à plus savoir quoi dire. Et là, pas du tout. Et c'était toujours positif, toujours de la com positive. Et ouais, il y a cette maturité. Je sais pas ce que t'en penses, Franck. Oh, je vérifiais justement effectivement les performances de Tsunoda à Monaco, parce qu'on sait quand même, Monaco c'est quand même un exercice spécifique pour les pilotes. Il y a certains pilotes qui sont pas très à l'aise à Monaco. On reparlera du Castrol notamment, qui est très particulier tout à l'heure. Mais Monaco, à part la première année, les deux années suivantes, donc 2022-2023, il s'est qualifié 11e et 9e. Donc c'est un circuit où il était déjà à l'aise et il s'est déjà attaqué. Donc Ricciardo, pour en parler, il avait aussi, il savait quand même qu'il avait un gros morceau en face de lui. Un pilote qui était à l'aise quand même à Monaco. Oui. Effectivement, Ricciardo se prend 2 dixièmes en qualif, c'est pas non plus une Bérésina, c'est pas un Ricciardo qui se fait massacrer comme dans ses grands jours, ses grands mauvais jours de McLaren. Mais voilà, la petite déception effectivement chez Ricciardo, mais c'est pas catastrophique non plus. Non. Voilà, je classe effectivement le bon week-end de RBF1 comme la nouvelle équipe du top 5 pour moi. À la place d'Aston Martin. Aston Martin doit mieux faire. RBF a pris sa place pour l'instant. Et donc, si Tsunoda continue comme ça, moi, je le vois très, très bien titularisé chez Red Bull l'an prochain. S'ils se mettent vraiment d'accord avec Honda sur le fait qu'il n'y a aucune possibilité, parce qu'on va pas mettre Tsunoda chez Red Bull pour une année. Sauf s'il se fait défoncer par Verstappen. Mais c'est un petit peu un accord tripartite avec Honda à trouver. Et moi, je verrais très, très bien Tsunoda à pousser un petit peu Max Verstappen dans ses retranchements, notamment en qualif. Tsunoda, s'il continue comme ça, pour moi, il n'y a aucune raison de pas le foutre à la place de Perez l'an prochain. Bah, c'est ça. Et un Tsunoda de avec ces bases-là qui apprendrait de Verstappen, je pense qu'on peut en tirer un pilote absolument... Moi, je le trouve déjà incontournable sur le plateau. Il a dit lui-même qu'il discutait un petit peu. Il laissait des portes ouvertes avec d'autres équipes, mais... Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faudra qu'il ne se retrouve pas le bec dans l'eau parce que Honda décidera de ne pas l'amener chez Aston Martin, ou n'aura pas le choix de ne pas l'amener parce qu'il y a Stroll, et que Red Bull décide de s'en passer parce que finalement, ils veulent promouvoir des jeunes pilotes chez RBF1 sans lui donner le volant. Et je pense que c'est juste le seul truc pour lequel je m'inquiète pour lui, en fait. Marco a dit qu'il avait encore plusieurs années d'options en faveur à déclencher si besoin, mais c'est sa dernière année, entre guillemets, de titulaire pur. Donc effectivement, s'il a un contrat ailleurs, Marco n'aura pas d'autre choix que de libérer ou de titulariser ou chez RBF1 ou chez Red Bull. Donc non, pour moi, l'avenir de Tsunoda, il s'est vraiment enfin ancré en F1 cette année. Jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, c'était toujours un peu tendu. Là maintenant, oui. Il continue comme ça. Je profite que tu dises ça, Franck, parce que je suis le premier à manger mon chapeau. Moi, jusqu'à l'année dernière, c'est vraiment quelqu'un en qui je ne croyais pas sur le long terme, Tsunoda. J'avais du mal à l'imaginer passer un palier, à mûrir suffisamment. Et là, je dois dire, cette année, c'est juste incroyable, quoi. On pourra toujours dire, oui, mais Ricciardo a été en difficulté sur certains week-ends. Qu'est-ce que ça aurait valu face à un autre pilote de pointe? Mais peu importe. Enfin, il est avec Hülkenberg, les deux pilotes qui se détachent vraiment de ce deuxième peloton, qui n'est plus tellement en deuxième peloton, d'ailleurs. On en parlera puisqu'Aston Martin dégringole, mais. Il est vraiment incroyable. Sur ses 24 points, je crois, RBF1, il en score 19. Il fait quasiment le championnat constructeur de son équipe à lui tout seul cette année, hein, faut le dire. Donc c'est remarquable. Et vous l'avez dit, ça devient impossible pour les top teams, enfin, en l'occurrence pour Red Bull, de l'ignorer tout simplement parce qu'il est là. J'ose espérer que s'il n'y a pas de place chez Red Bull ou chez Aston Martin, qu'on lui signe au moins un an ou deux de plus chez RBF1. Parce que si, en plus d'aventure, le RBF1 continue à s'éloigner de Red Bull en termes de fonctionnement, pourquoi pas devenir le leader d'une équipe un peu plus indépendante en plus. Donc j'espère vraiment qu'il sera en F1, comme tu dis Manu, qu'il ne se retrouve pas à être le dindon de la farce parce qu'il n'y aura pas de place tout simplement, malgré son talent. Mais il faut absolument qu'il continue en F1. Je suis très content de m'être trompé à son sujet vraiment parce qu'il m'impressionne. Et week-end après week-end, à part la Chine, finalement, il a été excellent sur tous les Grands Prix cette année. Donc, chapeau à lui. Et j'espère que ça continuera et qu'il sera bientôt dans une F1 encore plus compétitive. 100% d'accord. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Je sais pas, Daniel Ricciardo, c'est un peu plus... Daniel Ricciardo pour ou contre. C'est un peu plus compliqué pour lui parce qu'effectivement, week-end après week-end, il subit ces grosses performances de Tsunoda. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il peut sauver sa place chez RBF1 l'an prochain si Tsunoda va chez Red Bull. Parce qu'il y aura quand même l'expérience dont il a besoin, et parce que si Lawson est en face, il y aura besoin d'un deuxième pilote qui a un peu plus de bagage. Mais si Tsunoda reste, je pense que Ricciardo saute en fait l'an prochain, à mon avis. Oui, c'est pas possible. Lawson prendra sa place, ouais, effectivement. Ouais. Mais Ricardo, il faut quand même le dire, n'est plus du tout catastrophique comme il avait été. Non, non, non. Bon, il est, comme tu l'as dit, face à un excellent pilote en pleine confiance, mais ce n'est pas du tout ridicule. Puis bon, encore une fois, on débrief le week-end de Monaco. En course, il s'est retrouvé dans le train Alonso. De toute façon, il n'y avait absolument rien à faire. Donc, son week-end était entre guillemets fini après les qualifs, mais comme pour tous ceux qui ne sont pas qualifiés dans le top 10, donc c'est la même conclusion pour tous. Encore quelques courses pour lui, pour confirmer qu'il est revenu, et s'il peut réussir à rivaliser avec Tsunoda, bah, ça voudra dire qu'il a retrouvé un très bon niveau. C'est ça, mais comme le dit Dr Kenobi, c'est vrai qu'il y avait Ricardo un peu désabusé à la fin du week-end, qui ne comprenait pas en fait le différentiel de performance avec Tsunoda. Il dit la voiture vaut ce que Yuki en fait, mais moi je ne suis pas capable de le faire, et il était déçu de sa qualif, donc c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a aussi Hadjar dans la filière Red Bull, donc forcément il y aura de la place à faire à un moment. Et peut-être qu'une saison de transition en mettant Tsunoda avec Verstappen et en mettant Lawson avec Ricciardo, puis ensuite mettre Hadjar avec Lawson en 2026, ce serait pas non plus une mauvaise idée. Je pense qu'au bout d'un moment, Red Bull va devoir sortir de sa zone de confort. De toute façon, maintenant, ils ont plus de marge au niveau de Red Bull Racing pour les performances et les performances du deuxième pilote surtout. Donc autant commencer à refaire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire promouvoir des pilotes et puis faire bosser leur filière, quoi. Voilà, après je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, je laisse toujours une petit commentaire possible, mais bon, RBF1, voilà, donc toujours 6ème force du plateau. On passe à Williams qui ouvre enfin son compteur de points, ça y est, c'était attendu depuis un moment parce qu'il y avait eu des belles performances pas très loin du top 10 depuis quelques courses et passe devant Alpine au championnat. Et passe devant Alpine, absolument, toujours à égalité de points, mais deux points d'un coup c'est voilà. Mieux que deux fois un, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont maintenant 8ème du championnat. Albon 9ème de la course, Sargeant 15ème. Sargeant un peu frustré parce qu'il a été laissé sur une stratégie similaire en fait. On lui a laissé de ses pneus durs et on a mis Albon en pneus durs aussi. Et lui aurait aimé finalement qu'on lui donne des pneus médiums au moment du drapeau rouge pour qu'il n'ait pas à faire d'autres arrêts. Donc un peu frustré, mais il a été loin d'Alcon. Il n'avait pas les évolutions à sa décharge. Non, aussi. Qui enlevait du poids là, Williams, qui est toujours en net surpoids. Oui, le poids, c'est important à Monaco quand même. Ouais. Donc toujours du poids en plus, mais beaucoup de poids en moins aussi chez Williams. Ça continue à apporter des grosses évolutions qui ne se voient pas forcément, mais qui aident énormément la voiture. Et puis Albon, pour moi, Albon, c'est pareil. Il fait partie des incontournables de la F1 aujourd'hui. C'est, la voiture peut faire des points, il fait des points. Il n'y a pas d'autres choses. Il fait une qualif vraiment, lui, pour le coup, je trouve que c'était un des plus impressionnants en qualif aussi, parce que ouais. La Williams, c'était pas une voiture facile à conduire. Ça se voyait qu'il avait... il y avait des choses à faire pour vraiment la mettre dans la bonne fenêtre. Et il était très inquiet pendant les essais libres parce que les pneus, malgré tout, malgré le fait que ce soit Monaco, les pneus surchauffaient. Et finalement, ils ont réussi à trouver la bonne exploitation pour que les pneus se comportent normalement. Donc, c'est l'assurance vie hein, de Williams, voilà. Tout simplement, Albon. Hein. Faut quand même noter, donc on a fait un tiers du championnat, l'air de rien. Il y a 3 équipes avec 2 points ou moins. Ces points-là vont valoir tellement cher cette année, et faire ça à Monaco alors que le début de saison était tellement morose, tellement difficile chez Williams, quand même c'est bien plus difficile que les années précédentes, même si globalement c'est une équipe qui progresse, qui va dans la bonne direction, ça c'est clair, mais sur le plan sportif cette année en tout cas c'est compliqué. Là ce que fait Albon, on a vraiment retrouvé pour moi le grand Albon de 2023 qu'on voyait plus l'an passé, évidemment, parce que la Williams était au contact du peloton, c'est pas le cas cette année, ils sont en fond de grille. Mais alors là, ouais, chapeau à lui, franchement. Vraiment, j'attendais pas de points pour Williams ce week-end, et de voir Albon 9e, ça fait partie des très belles surprises voilà, d'une course qui n'a pas été marquante par son scénario, mais qui, par contre, au niveau du résultat, encore une fois, avec Albon 9e, nous livre quelque chose d'assez spécial. Et donc, c'est bien. C'est un boost pour cette équipe au championnat qui le mérite, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est une équipe qui travaille bien, qui va dans la bonne direction. Et voilà, et Albon qui. Voilà, on connaît Albon depuis 2 saisons chez Williams, il justifie pourquoi c'est le leader de cette équipe pour les prochaines années. Ils peuvent vraiment chez Williams se féliciter d'avoir gardé leur leader pour plusieurs saisons encore, et là il leur rend bien la prolongation par 2 points qui, comme je le disais tout à l'heure, va vraiment leur valoir très cher au championnat. Ouais, c'est vrai que pour le coup ça montre aussi toute la bonne dynamique qu'il y a chez Williams, où Albon a préféré continuer dans cette équipe qui pourtant aujourd'hui n'est pas la meilleure garantie à l'instant T. Mais avec un James Vowles qui a un grand, grand projet d'avenir et qui, je ne sais pas si on l'aborde maintenant, mais est aussi peut-être en passe d'aller chercher Carlos Sainz, puisque des rumeurs, il y a vraiment des discussions, il y a des offres qui ont été faites. Et, Sainz et Bottas, ouais. C'est les deux grandes pistes, effectivement, pour épauler Albon. Moi, je trouve après quand même dommage qu'en termes de communication, on ne dise pas clairement à Sargent que c'est terminé. Oui. Je veux dire, c'est bien beau de lui dire oui, on a des conversations franches, oui, je le soutiens, je suis très direct, mais soyons clairs, Sargeant aujourd'hui, il a 0,0001% de chance de rester chez Williams l'année prochaine. Je doute que tous les autres pilotes de la grille tournent le dos à l'offre de Williams. On veut peut-être rester poli envers les sponsors ou les propriétaires américains. C'est, voilà, c'est peut-être la seule chose voilà, qui le sauve, effectivement, c'est que Dorilton est américain et il y a des sponsors. Mais clairement, Sargeant, il sait très bien qu'il doit chercher une place ailleurs. Et malheureusement, je pense que toutes les portes de la F1 lui sont fermées ailleurs. Donc, Pardonne-moi, Franck, mais je ne suis pas vraiment désolé pour Sargeant. Ça fait quand même... Non, je ne suis pas désolé pour lui. Mais sur la communication, on ne sait pas, peut-être qu'en interne, il le sait déjà. Mais voilà, en façade, c'est vrai que tu es censé garder, jusqu'à ce que tu aies un deuxième pilote confirmé, la phase. Protéger ton pilote aussi et protéger l'équipe en communiquant bien autour de ça. Ouais. On sait qu'Antonelli est préparé pour ça. On sait que, que c'est Williams qui a quand même déposé une demande d'exemption de super licence, d'âge sur les super licences. Il y a tellement de signes qui pointent sur le fait que Sargeant ne sera pas gardé. Que je trouve dommage effectivement de dire après peut-être qu'effectivement ce serait aussi un peu présomptueux de dire à Vols que Vols dise on gardera pas Sargeant et puis qu'il se trouve le bec dans l'eau n'avoir aucun nouveau pilote à mettre à la place, ce serait assez fou, obligé de rappeler Sergei Sirotkin et... mais oui voilà, c'est malheureusement clair que pour lui c'est terminé. Il a eu sa chance et puis et voilà quoi, c'est juste le petit point négatif sur la gestion de Jens Vols que je trouve sinon impeccable. Voilà, pour réussir à attirer un Carlos Sainz, voilà, je sortirai des côtes de Carlos Sainz sur son avenir demain sur Next Gen Auto, mais qui dit clairement que lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est vraiment un projet bien ficelé, bien à long terme. Voilà, il cherche pas quelque chose forcément de court terme. Donc clairement, très clairement, ça va être Audi ou Williams, mais ça a l'air quand même plutôt de pencher du côté de Williams parce que il y a l'assurance vie du moteur Mercedes. Audi, c'est une inconnue totale, comme Red Bull Powertrain d'ailleurs, ça sera une inconnue totale en termes de compétitivité. Le moteur Mercedes en 2026, soyez sûr qu'il sera extrêmement bon au rendez-vous, comme le moteur Honda, comme le moteur Ferrari. Non. Donc le pari Williams avec Jens Voss à la manette restera comme le problème des infrastructures, ça reste ça, voilà. Mais c'est quand même un pari plus gagnant, je pense, pour Sainz que Audi F1. Alors, si vous êtes Albon, vous préférez avoir Sargeant ou Sainz comme coéquipier? Franchement, je préfère avoir Sainz pour développer la bagnole. C'est des team players, les deux. Hein. On parlera des team players dans le cas Alpine après. mais voilà, non, j'ai aucun souci de voir un très bon duo très fort tirer l'équipe vers le haut jusqu'au moment où il faudra se tirer dans les pattes. Ouais. Et tant que c'est pas l'heure de se tirer dans les pattes, ils se tireront pas dans les pattes. C'est ça, je pense totalement. Et je pense que Albon, ça lui fera du bien de plus être le seul espoir de Williams, en fait, parce que ça fait... Faut pas oublier qu'il a marqué plus de 80% des points d'équipe depuis son arrivée. C'est vrai qu'il a fait une année avec Latifi, deux années avec Sargeant, donc c'est un peu compliqué, mais c'est sans être critique gratuitement face aux deux autres pilotes, mais c'est vrai que je pense qu'il y aura un peu un soulagement pour lui de se dire, je peux bosser pour moi aussi, faire des choses pour moi et pas toujours faire les choses qu'il faut pour l'équipe, parce que finalement le travail de fond doit être fait par lui, le travail, il y a beaucoup de choses qu'il est obligé de prendre en main, il est obligé, s'il fait pas de perf, on sait que Williams n'a aucune chance de points, etc. Donc il y a tout ça qui fait que je pense que Albon a une pression malgré tout qui est assez importante. Et en fait, moi, le duo Albon-Sainz, ce que je trouve fou s'ils arrivent à le faire chez Williams, c'est que c'est un duo, quand on réfléchissait aux conséquences d'un départ de Verstappen chez Red Bull, c'est un duo qu'on imaginait potentiellement chez Red Bull aussi. C'est vrai. Et ça, c'est quand même fou de se dire, James Vowles pourrait aller le chercher et le ramener chez Williams. Quoi. Donc là-dessus, je pense que James Vowles a une vision très très lointaine et très solide que le conseil d'administration lui laisse faire. Et ça, petite leçon à tirer chez Alpine aussi, il faut laisser les teams principaux travailler. Et je pense que sa vision à long terme est très convaincante pour les pilotes. C'est comme ça qu'il a réussi à prolonger Albon. Et moi, je pense que l'arrivée de Sainz, c'est en très bonne voie. Et je ne serais pas étonné que ça marche. Et en plus, Adrian Newey n'a toujours pas signé pour une équipe. Hein, donc, qui sait? Avec un duo Albon-Sainz, c'est plus intéressant. C'est pas l'équipe aussi, favorite pour l'accueillir. Mais alors, imaginez un retour de Williams en 2026 avec Newey, Sainz et Albon. Ouais, franchement, ça a de la gueule. Quoi. Ah, ouais. Et sans compter le nom de l'équipe, parce qu'il y a aussi ça qui compte dans un projet. C'est ce qu'on représente. Et je crois que, comme tu l'as dit, avec James Vowles à la tête de l'équipe, il y a ce projet vraiment de faire renaître la marque Williams de la bonne époque. Et les signaux depuis quelques années sont quand même encourageants. C'est encore une fois une équipe sur la bonne voie. Donc, ce qui pourrait être complètement fou à l'heure actuelle pourrait devenir un projet vraiment sexy d'ici 2 ans, effectivement. C'est ça. Et moi, la seule déception que j'aurais, c'est que si Bottas ne vient pas, on n'aura pas de Valtteri is James à la radio. Et ouais. Ça me rend un peu triste. Mais à part ça, à part ça, je trouve ça quand même Sainz un peu plus. Voilà, parce que Sainz, on a été un peu critique sur son manque de constance chez Ferrari. Mais il ne faut pas oublier que même s'il est un peu short pour Ferrari par moment, c'est un pilote que 80% des, peut-être pas, mais 60% des équipes veulent avoir. Donc, et auraient tout intérêt à avoir, en fait. C'est un excellent pilote. Vous êtes Williams ou Audi aujourd'hui, Sainz, c'est un no-brainer, il n'y a aucune réflexion. Évidemment, c'est lui, c'est la priorité. Suite, ouais. Clairement. Il y a zéro qui dit le retour de Williams avec Newey, Albon, Sainz, on signe où? Parce que moi, je veux bien. Je pense que tout le monde veut bien, parce que Williams, c'est l'équipe que personne ne déteste, je pense. On a tous envie qu'elle redevienne ce qu'elle était avant, en fait. C'est Xoan, sinon, le grand fan de... Non, c'est Nitram. Nitram, il n'est pas là, Nitram, ce soir? Non, je pense qu'il est en train de faire une syncope devant la ligne, que Newey puisse revenir. Non, mais pour la même raison qu'on a du plaisir à retrouver McLaren à l'avant, revoir Williams, allez, on va pas dire jouer un championnat, faut quand même donner du temps au temps, mais ne serait-ce que redevenir en première moitié de peloton une équipe solide, c'est pas impossible. Il l'était il y a pas si longtemps finalement, au début de l'ère réglementaire précédente, ils étaient là, hein, donc il y a quelque chose à faire. Et oui, effectivement, comme tu dis, Manu, je crois que c'est une équipe impossible à détester de par son glorieux passé, que tout le monde serait content de revoir compétitif. Je pense que, à moins que vous soyez vraiment anti-fan de McLaren, qui aujourd'hui n'est pas content de revoir l'équipe McLaren aux avant de la F1, franchement, il n'y a rien qui fait plus plaisir. Donc voilà, ouais, qui sait Ron Dennis, le réservé. Ouais, mais à part lui. Et je pense qu'on a tous envie de voir, Williams gagner, parce que comme ça, le dernier vainqueur de l'équipe ne sera plus Pastor Maldonado, et ce sera peut-être pas trop mal aussi. Et ça, ce serait bien. En plus, je l'avais déjà dit, mais j'étais à cette course-là. Ah, et c'est dur. Vrai. J'ai eu du temps à comprendre ce qui se passait. Hein. Attendez, est-ce que je rêve? T'as payé pour ça? Et en plus, j'ai payé ma place ce jour-là. Est-ce que tu as fait une demande de remboursement par principe? Non, parce que personne ne savait qui était Maldonado. Donc, quand je me suis plaint de qui c'était, ils n'ont pas compris. Écoute, j'ai regardé les courses de F2, là, non? C'est quand on avait faim? Qu'est-ce qu'Alonso fout là? Mais au demeurant, c'était une jolie journée. Ça fait plaisir de voir Maldonado gagner quand même, et Williams aussi. Et oui, Calabrese, l'idée de revoir Williams serein, évidemment, puisque elle était à faire, voilà. Mais non, c'est vrai qu'en même temps pour Williams, je finis juste parce que c'est quand même une équipe qui il y a 5 ans de ça était incapable d'avoir assez de pièces pour finir la saison et demander à ses pilotes d'abandonner pour ne pas avoir à construire de pièces et n'était pas capable de faire deux voitures avant le vendredi des premiers essais, le jeudi des premiers essais quoi. Donc c'est le travail est énorme, on tape un peu tout, enfin les gens tendance à taper sur les petites équipes, mais quand on a le budget qu'ils ont et quand on a traversé la période Covid au milieu, faire une telle progression en 5 ans, je pense qu'il faut se rendre compte de ce que ça a demandé comme effort en tant que structure et en tant qu'équipe. Le dossier. Alors, puisque nous allons parler de Alpine, glorieuse équipe française, qui a marqué un point, félicitations, c'est la deuxième fois de l'année que ça arrive, ça leur fait donc un total de 2 points. Je crois que tu allais dire 2 miracles. Oui, aussi. Aussi. Alpine. Alors c'est vrai que on va avoir pas mal de débats. Il y a plusieurs strates de débats dans cet énorme imbroglio qu'est cette équipe, parce que vraiment pour moi, par la perf, pour arriver jusqu'aux positions qui est quand même pas mal. Oui. Histoire de dire le bon. Ouais, la perf est en progrès, notamment grâce aux pilotes en qualif. On peut le noter. C'est ça. 10 et 11, Alpine double son nombre de points en une seule course. Bravo. Et quand il y a pas besoin de moteur, ça va quand même mieux. Bizarrement. Voilà, ça c'est fait. Là, mais comme l'an dernier, ils font 2 podiums sur les circuits où il y a des lignes droites de 800 mètres au bout d'un moment. Ça, pour revenir, on parlait de 2026. Hein, Franck n'a pas cité Renault, Alpine comme les équipes dont on est sûr que le moteur sera bon en 2026. Mais quand tu vois que Alpine ne fait même pas pression, sachant qu'ils ont un déficit moteur, Renault, ils ne font même pas pression auprès de la FIA pour pouvoir égaliser les performances et qu'ils disent bon, on place. Au bout d'un moment, tu dis dilettantisme, il est aussi du côté du moteur. Donc, de toute façon, voilà. Le dilettantisme, il est au plus haut strat de l'équipe. donc, la bonne partie, effectivement, c'est qu'ils arrivent quand même à bien se qualifier sur ce genre de circuit, donc ça donne un point. Mais un point qui aurait pu être zéro aussi. Hein. Ouais. Voilà. Alors, le problème, alors déjà, c'est que c'est un point qui n'aurait pas pu être deux. Parce que quand tu as tes pilotes qui partent 10 et 11 sur une course qui est quand même préparée comme une course d'attente, tu ne les mets pas tous les deux avec la même stratégie. Parce que c'est l'assurance que, un, ils vont se retrouver avec les mêmes performances dans les premiers tours, donc ça va forcément gueuler à la radio, même si ça passe le premier tour, ce qui n'a pas été le cas. Et deux, Tu as l'impossibilité, en fait, c'est tu sacrifies celui qui est derrière en disant il va de toute façon devoir défendre celui qui est devant. Et si par miracle il se passe quelque chose sur les 9 premiers, et eh ben on marquera 2, enfin 3 points du coup. Et ça pour c'est moi, ce qu'a fait Mercedes, hein. C'est ce qu'a fait Mercedes. Oui, et Mercedes ils étaient 5 et 7, Alpine c'est 10 et 11, donc en fait tu sacrifies. Ouais, t'as raison, tu vois, ils ont la... en fait, t'es déjà pas loin de pouvoir mettre les deux voitures dans les points, bah tu tentes quelque chose qui peut te permettre de peut-être le faire. Alors après, ça bah, veut dire qu'il y a un pilote. Ouais, sans drapeau rouge et sans le raccrochage à la con, c'était ça. Hein. Et Vettel c'était plus là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, alors. Et donc, Yann soulève sur le chat avant qu'on en vienne à l'accrochage. Effectivement, il y avait Bruno Fama en direct pendant les qualifs, pendant la course sur Canal. Alors, bien sûr, l'équipe Alpine, elle peut tourner sans lui, évidemment. Mais je trouve que ce n'est pas très pro de voir Bruno Fama intervenir à chaque fois en Q3 et pendant la course. Voilà, je pense qu'il a mieux à faire aussi. Donc, c'était sûrement voilà, une volonté de rapprocher l'équipe. Donc, pourquoi pas sur le papier. Mais je n'ai pas trouvé ça très professionnel. C'était déjà le cas, Imola. C'est déjà le cas, Imola, ouais. Il était déjà en direct. Mais surtout à Monaco, il faut vraiment réagir. Enfin, je pense pas que c'est pas lui qui décide de ouais. Ça. Sauf. Ouais, c'est vrai, mais l'image envoyée n'est pas extra. Mais bon, voilà. En tout cas, ça nous a permis d'avoir de très belles déclarations. Ces propos ont fait un tour très rapide dans la presse internationale, puisque ces propos à Canal+. Effectivement, arrivé enfin sur ce fameux accrochage, sur le fait que Esteban Ocon ne respecte pas les consignes de l'équipe. Qui sont de ne pas s'attaquer au premier tour. Quand un pilote, alors moi je suis désolé, désolé pour les fans d'Esteban, mais je ne peux pas ne pas faire autrement que de lui taper sur la tronche sur ce Grand Prix et sur son état d'esprit en général et sur sa façon d'être dans une équipe. On parlait effectivement du côté team player tout à l'heure. Quand on vous dit à Monaco, n'attaquez pas votre équipier, vous n'allez pas mettre un premier, il n'y a pas à y avoir un premier coup de roue déjà dans la montée vers Bourg-Rivage. Déjà, il se touche une première fois là. Ça, c'est Gasly hein, qui lui met le coup de roue. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, et après, Ocon qui force le passage effectivement au portier. Ce qui doit se passer, évidemment, accrochage. Heureusement, sauvé par le drapeau rouge, donc, ce qui permet effectivement à Gasly de repartir. Et donc, à sa position, donc réparer, voiture réparer, tout ça, et donc de gagner un point. Mais vous avez quand même un gars, un Français, Esteban Ocon, qui a, je suis désolé, pas du tout l'état de quelqu'un qui a l'équipe en tête, en premier lieu. Qui n'en fait qu'à sa tête sur ce coup-là encore, qui devant les médias, en première réaction, dit bon, voilà, bref, ça, c'est un incident, ça ne devrait pas arriver, machin, tout ça, et qui seulement s'excuse après, par réseaux sociaux, par voie de communiqué de presse, mais en première réaction, c'est pas du tout des excuses envers son équipier, et on a quelqu'un qui joue vraiment pour sa pomme, pour sa poire, parce qu'il sait, alors voilà, on aurait appris que Alpine ne le retiendrait pas pour l'année prochaine. Ça aurait été dit avant le Monaco, enfin avant le crash de Monaco. C'est du conditionnel encore, hein, on vous le certifie pas. Mais bon, quand vous avez un pilote qui vous dit « Je suis encore pilote Mercedes dans ma tête, pilote Mercedes Junior, je discute avec Haas, je discute avec Audi, tout ça », certainement dans sa tête, il est déjà plus chez Alpine. Il a été effectivement déçu, je pense comme tous les fans français, il a été déçu par le projet Alpine, par ce qui s'y passe, et nous les premiers, on est déçus. Mais de là à ne pas respecter les consignes d'équipe, de là à attaquer son équipier alors qu'on sait qu'il y a tous les risques d'accrochage possibles, c'est un non, non, non. Donc si, comme dit Fama, son mot exact, c'est trancher dans le vif, prendre les décisions qui s'imposent, c'est effectivement le suspendre pour une course ou faire une sanction disciplinaire ou autre, je pense qu'il n'hésitera pas à le faire. Je pense qu'effectivement, s'il peut le suspendre pour le Canada et tester un Jack Doohan à la place, pourquoi pas? Parce qu'on sait a priori que Esteban Ocon ne sera plus dans l'équipe l'année prochaine. Donc, pourquoi se priver effectivement de sanctionner un pilote qui n'a pas respecté l'équipe? Je suis désolé, il n'a pas respecté l'équipe. Voilà, mais c'était mon coup de gueule de la soirée. Moi, pas respecter l'équipe, ok, ça je suis d'accord, la manœuvre d'Ocon au portier, elle n'est pas maligne du tout. Pour autant, suspendre son pilote pour ça, alors que en fait, je tape sur quelqu'un d'autre, ce sera Famin. Famin déjà, bon, il fait le spectacle sur Canal+, c'est bien. Hein, s'il pense qu'il y a que ça à faire, tant mieux. Mais derrière, quand il y a un accrochage entre ces pilotes, donc directement, bah, il traite Ocon comme un criminel. Alors, ok, Ocon, la manœuvre, encore une fois, je la défendrai jamais. Il a pas attaqué, il le fait. C'est pas la première fois que les deux pilotes, les deux Français s'accrochent. C'est pas la mais première fois. Mais surtout, le truc, c'est que encore une fois, déjà, donc moi, il y a toujours ce problème de stratégie. On leur met la même stratégie. Tu mets Gasly en médium et Ocon en dur. À aucun moment, Ocon peut tenter de l'attaquer. La motricité de Gasly sera toujours meilleure. Il y a même pas de débat. Donc comme ça, c'est réglé. Ensuite, si Ocon fait chier dans la radio, tu lui dis, écoute, la stratégie, on l'a définie au brief. Point. Oui, mais même ça, il l'a pas écouté puisqu'on lui a dit ne vous attaquez pas. Il l'a fait. Oui. À quel moment non, mais là-dessus, je suis d'accord. Ne t'attaque pas. Mais je suis d'accord. Là, encore une fois, la manœuvre du portier, elle est pas excusable parce qu'il attaque et en plus il redresse le volant alors qu'il est encore à côté. Donc vraiment, il y a pas d'excuse. Dans Massenet, il se met à l'extérieur parce que Gasly pile devant lui. Il se décale à l'extérieur et en fait Gasly ne regarde pas dans son rétro et le met dans le rail aussi. Ça, Fama n'en a pas parlé. Donc je ne sais pas si c'est un choix ou s'il n'a pas vu les images, mais en tout cas il n'en a pas parlé du tout. Je pense qu'on n'a pas vu, je pense. C'est vu après, à mon avis. Ouais, c'est possible. Ouais, mais du coup, donc il dit de Ocon qu'en gros c'est scandaleux, machin, ça ne doit pas arriver, je suis d'accord. Il va trancher dans le vif. Donc il fait un peu, encore une fois, le spectacle sur Canal+. Et puis derrière, on a un vieux communiqué qui tombe à 19h sur trois lignes où on dit on traitera ça en interne. Donc en fait, ben, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, pour moi, c'est un, ça ne sert à rien de faire le drama king sur Canal+, si c'est pour derrière que ça se relise immédiatement. Deux, je trouve que la réaction est disproportionnée par rapport à ce qu'a fait Ocon, parce qu'il n'a rien à dire sur Canal+, il a à dire on réglera ça en privé, comme font beaucoup, beaucoup de patrons, et où c'est bien plus professionnel. Parce que là, en fait, il a réagi avec l'émotion pour juste craquer complètement en disant que Ocon était responsable machin. Et je pense qu'il y a un vrai contentieux entre les deux. Et trois, pour moi, Fama, aujourd'hui, prépare médiatiquement le terrain de la future annonce comme quoi il ne garde pas Ocon. Parce qu'il va annoncer qu'il ne garde pas le pilote qui mène 6-2 en qualif et qui mène 5-1 en course quand les deux ont terminé. Et du coup, forcément, c'est une décision qui sportivement ne se comprend pas. Alors que, après, en explication... Elle est complètement... Non, j'essaie pas de blâmer Gasly, Jockey. En fait, il se met pas à la hauteur dans Massenet. Il est juste décalé parce qu'il évite d'harponner, de se faire harponner. Je ne parle pas du portier, je parle bien de Massenet. Et en fait, pour moi, Famin essaye de justifier cette décision en ayant un alibi pour virer Ocon, plutôt que de dire, comme disent beaucoup de gens, par exemple, il pourrait prendre l'exemple sur la communication de Fred Vasseur quand il vire Sainz, de dire « on a d'autres plans pour l'équipe, ça a été une décision difficile, mais on a besoin de changement ». Et ben, il aurait fait pareil en disant « ça se passe très bien avec Esteban, là ça se passe pas bien à Monaco, on va en parler en privé, et de toute façon, voilà, on va faire quelque chose, machin, très bien ». Mais là, le côté où il faut tout de suite, comme s'il fallait réagir avec immédiatement des commentaires qui sont pour moi, encore une fois, totalement déraisonnables, juste pour montrer en fait qu'il est légitime, c'est-à-dire je suis le patron et je décide qu'il y aura des conséquences, ça n'a pas d'intérêt parce que je suis pas sûr qu'il y aura des conséquences. Du coup, il risque de passer pour quelqu'un qui finalement n'applique pas ce qu'il dit et pour quelqu'un qui s'est un peu écrasé par la suite. Donc pour moi, c'est perdant-perdant pour Famin, c'est perdant-perdant pour Alpine, et heureusement Gasly peut faire son point parce que ça aurait été encore plus perdant s'ils n'avaient pas marqué de point. Donc Le problème, c'est que c'est Ocon qui a décidé de partir déjà. Et ça. Ocon est en train de discuter. Après, la décision qui ne reste pas, a priori, c'est Alpine de toute façon qui l'a. Mais Gasly discute aussi avec d'autres gens. Hein. Ils ne sont pas à l'abri de perdre leurs deux pilotes non plus. Et en fait, pourquoi ? Enfin, ils ne peuvent pas en vouloir à Ocon de discuter. Encore une fois, quand tu es Alpine et que tu fournis une A524 à un duo Gasly-Ocon, tu fais profil bas. Parce que ces mecs-là ont quand même pas fait trop de commentaires méchants quand ils étaient 19 et 20 sur la grille à Bahreïn et Jeddah. Et le plus violent des deux, ça a été Gasly. Ocon a été ultra positif tout le début de saison en disant on travaille, on va y arriver, l'équipe fait tout ce qu'elle peut et tout ça. Et c'est beaucoup plus Gasly qui était incisif. Je peux le comprendre aussi parce qu'il n'a pas signé pour ça. Mais en fait, pour moi, il y a une depuis Imola, où Fama a commencé à dire que de toute façon, ses pilotes, en gros, c'était pas la priorité qu'il discutait avec d'autres gens et qu'au pire, c'est pas grave s'il perdait ses pilotes. Je trouve qu'il y a un truc totalement déraisonnable de dire on va dégager un pilote et en fait, on s'en fout. Enfin. Et on n'assume pas quand même, voilà. Donc moi, je trouve que la communication de Fama, elle est... Pour moi, c'est du Laurent Rossi avec moins d'ego. Mais c'est du Laurent Rossi quand même dans le texte. Et je trouve pas ça bon. Après, je sais pas ce que vous en pensez, Paul et Alex. Paul, par exemple. Je pense qu'il a réagi à chaud, moi. Essentiellement, il a réagi à chaud. Je pense que... Je dirais pas les conséquences structurelles sur Fama. Je pense qu'il devrait mieux gérer juste ses émotions et ne pas réagir à chaud. Ouais. Oui, sur Fama, je te rejoins, Alex. Concernant Ocon, Franck, tu as dit mot pour mot à peu près tout ce que j'aurais dit sur cet incident. Donc, de toute façon, pour réagir globalement, je trouve qu'Ocon a quand même souvent des problèmes avec ses coéquipiers ces dernières années. C'est quand même la confirmation. Ça n'a pas été simple avec Alonso. C'était évidemment très compliqué avec Perez à l'époque. Donc, il faut qu'il fasse attention, Esteban Ocon, parce que tu l'as rappelé, Manu, c'est le pilote le plus performant chez Alpine cette année. Mais il a quoi, 28 ans maintenant, donc il doit trouver le projet pour la deuxième partie de sa carrière. En gros, il doit faire attention aussi à pas être juste un pilote performant et qui va à tout prix battre son coéquipier, mais à être un joueur d'équipe. On l'a dit depuis le début de l'émission, Carlos Sainz, c'est l'exemple parfait. C'est quelqu'un qui n'est pas conservé par son équipe l'année prochaine, qui n'a toujours pas signé et qui, malgré tout, dans sa communication et dans ses actes, Fait le team player parfait pour moi, Carlos Sainz. Regardez la situation chez Mercedes, ça ne va pas depuis 3 ans. Russell et Hamilton, finalement, si on parle souvent du duo le plus régulier de la grille, le plus, on va dire, égal. Finalement, ce n'est pas important pour eux en ce moment qui est devant l'autre. Ce qui compte, c'est de faire progresser l'équipe. Et je pense qu'à Hamilton, se faire battre par un Russell au championnat en ce moment, il n'en a absolument rien à faire. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si c'est pour jouer à 4e place du championnat, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de faire progresser l'équipe. Et je crois qu'Ocon doit s'inspirer de garçons comme Hamilton, comme Sainz, qui, quand ça ne va pas, ont compris que le mieux pour progresser, c'était de faire le jeu de l'équipe, justement. Et je crois que c'était pas très grave sur ce Grand Prix qu'Ocon soit battu par Gasly, parce que cette manœuvre, elle est beaucoup trop optimiste. Et j'aimerais bien qu'Ocon passe un cap là-dessus. C'est un très bon pilote, mais qui, dans ces moments où il faut faire le jeu de l'équipe, justement, accepte sa position plus facilement. Alors moi, je me permets de tempérer sur Sainz. Je trouve que c'est la première fois depuis son arrivée chez Ferrari qu'il joue le team player, parce que les autres années, il était plutôt imbuvable. Ouais. On va toujours dire, et même en début de saison, dès qu'il était derrière Leclerc, c'était oh, je suis plus rapide, et au final, il était jamais plus rapide. Donc je trouve que là, il sent le vent qui a tourné, et il a raison de le faire, mais je trouve pas que ce soit un exemple de team player. Et je voulais juste répondre, je suis désolé, je fais un petit parenthèse à Jockey qui dit clairement Ocon a des soucis relationnels avec ses équipiers. Au-delà des manœuvres, t'as l'impression que ça finit difficilement à chaque fois, et il pisse sur Alonso en Hongrie-Brésil. Alors, je tiens à rappeler que Pérez, ça s'est mal fini, mais c'est Pérez qui l'accroche 3 fois et Ocon qui l'accroche qu'une fois. Avec Ricciardo, ça s'est très bien passé. Avec Alonso, ça se passait très bien. Mais Ocon a quand même révélé qu'il se tapait approximativement 95% du boulot de média et quasiment autant du boulot de Simu. Donc il en avait un petit peu marre d'Alonso qui faisait la diva à côté. Parce que Alonso avait quand même des réflexions aussi assez costauds. Et avec Gasly, ça s'est bien passé, à part l'accrochage de Melbourne, qui n'est pas de la responsabilité d'Ocon, celui de la Hongrie, mais qui est fait, c'est une AlphaTauri qui les harponne, et celui-là, où là, vraiment, Ocon fait sa grosse connerie, comme pour moi, il avait fait contre Perez, par exemple, à Baku 2018. Mais après, oui, Ocon a toujours eu ce côté à vouloir prouver face à ses équipiers, parfois un peu trop. C'est vrai qu'Hongrie 2022 avec Alonso, c'est un peu too much, mais je pense qu'il faut aussi prendre le cas par cas, pour dire, oui, ça s'est mal passé des fois, mais par exemple, face à Perez, je veux dire, quand Ocon se fait accrocher 3 fois en 1 an et demi, je suis pas sûr que ce soit la faute d'Ocon si ça se passe mal, quoi. Et voilà, après, là, encore une fois, ça n'a aucun incidence sur le fait que Ocon fait de la merde à Monaco. Je dis pas que c'est la faute d'Ocon à chaque fois, mais il est à chaque fois le dénominateur commun quand les relations se détériorent avec les coéquipiers. Le fait est qu'il a été là à chaque fois, que ce soit Alonso, Perez ou Gasly. Ça se passe pas très bien à chaque fois, ouais. Et dans les 3 cas, c'est Ocon qu'au milieu. Donc évidemment, je suis pas en train de te dire que c'est de sa faute à chaque fois, qu'il faut lui mettre 100% de la faute, mais les saisons se suivent et se ressemblent un peu à ce niveau-là quand même. Ouais. Et encore une fois, moi je considère que quand ton équipe, surtout Alpine en ce moment, qui est particulièrement en difficulté, la dernière chose que tu dois faire, c'est mettre tes ambitions en avant. Même si tu cherches un contrat ailleurs, je suis désolé, tu dois justement montrer aux futures équipes qui veulent te signer que tu es prêt à sacrifier un week-end pour ton coéquipier si la situation le demande, c'est tout. Voilà. Et Ocon, malheureusement, n'est pas toujours capable de ça. C'est exactement ce que je voulais dire, en fait, pour rebondir sur l'attitude de Sainz à Monaco, qui est effectivement de se mettre au service de son équipe et de son équipier. C'est exactement l'attitude que les futurs employeurs d'Ocon recherchent. S'ils cherchent à signer chez Audi ou chez Haas, ce qu'ils vont chercher, c'est un team player, c'est pas un mec qui est prêt à bousiller son équipe pour une 9e place, alors qu'on est sur un circuit sur lequel on ne dépasse pas. Pour ces raisons-là, pour moi, que Ocon fait la grosse connerie. C'est oui, mais ça, je suis d'accord. Personne ne doute des performances d'Ocon, il les démontre largement, et pour moi, il a un léger cran au-dessus de Pierre Gasly. Et les résultats le démontrent, ouais. Un léger cran au-dessus. Maintenant, il a un problème d'ego, un problème d'attitude, un problème d'approche de la Formule 1, qui fait qu'aujourd'hui, tu es team player dans toutes les équipes qui jouent de la 2e à la 10e place. Tu ne peux être en face à face avec ton équipier que si tu joues le titre mondial, comme un Rosberg Hamilton ou un Verstappen Perez ou genre de choses. Mais moi, en deçà de ça, tu la fermes, tu suis les instructions de l'équipe et c'est tout. Voilà. De toute façon, je suis d'accord pour la connerie de Monaco, mais par contre, je suis pas d'accord sur le fait que qu'il a un trop gros problème d'ego. Encore une fois, il a été équipier avec Perez et Alonso, qui ont les plus gros égos de la grille. Alonso, quand un équipier lui résiste, ça se passe jamais bien. Et quand ça se passe bien, c'est parce qu'il met 23-0 à son équipier chaque année. Et on sent vraiment que Non mais je rebondis un peu sur Manu, pardon, mais j'ai jamais vu Alonso s'accrocher avec son coéquipier. Je n'ai jamais. Ils ne sont pas accrochés avec Alonso. Avec Alonso, c'était chaud, mais il n'y a pas eu d'accrochage proprement parlé. Il n'y a pas eu de tapage en course. Dans son historique à Ocon, ça commence à faire beaucoup d'accrochages avec des coéquipiers ou et à défaut d'accrochage ou des situations qui ne devraient pas se produire non plus. J'aime bien parce qu'on quand on parle d'Alonso, on parle souvent de la saison 2007 avec Hamilton où il y avait énormément de tension. Peut-être la saison où il y a le plus de tension. Il n'y a pas un seul accrochage entre les deux pilotes sur toute la saison. Les tensions, elles étaient toutes hors piste. Ocon, le problème, c'est que ça se transmet sur la piste. C'est là où je veux en venir, en fait. C'est que Alonso, Pérez, évidemment, les égos, leurs défauts, on les connaît. Mais en piste, tu verras jamais. Alors, Pérez, c'est un peu différent, mais Alonso n'a jamais fait d'écart en piste sur un coéquipier, ni même sur un concurrent au titre ou à la victoire. Il n'y a jamais eu une manœuvre dégueulasse. C'est toujours limite. Ocon, bah là, on a franchi le dégueulasse, malheureusement, à plusieurs reprises. Et là, ça. Encore une fois, moi, c'est le timing à un moment où tu dois négocier ton avenir, où il y a tellement de pilotes sans contrat pour l'année prochaine. Et où tu dois montrer cet état d'esprit exemplaire, bah là c'est un énorme échec pour lui ce week-end, qui ne doit pas tout remettre en cause, bien sûr. Voilà, pour moi, il y a une panne de cerveau dimanche, là-dessus, encore une fois, je n'irai pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de défense possible. Il attaque, alors qu'on lui a pas dit de ne pas le faire, et il ne complète pas sa manœuvre et il s'accroche. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a zéro excuse à lui donner pour ce week-end. Mais il y a eu quand même le... Comment ? Il y a eu quand même le pas, effectivement, il y a eu un accrochage, j'avais oublié, mais au Brésil en 2022 entre les deux, et c'était pas de la faute d'Ocon. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, Ocon a toujours été un peu problématique avec ses équipiers, en tout cas avec certains. Donc, en fait, ça se passe très bien avec Ricardo, ça se passe très bien avec. Et pourtant, Ricardo, il le domine pas, donc il n'y a pas de différence d'approche. Il veut le battre et puis il le bat pas, tout simplement. Et, il domine quand même, Manu, je trouve. Hein en 2020, entre Ricardo et Ocon, je trouve qu'il y a un énorme écart quand même. Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que Ocon est dominé et il va pas chercher à dire l'inverse, tu vois, il va pas chercher à se battre, il va pas, même quand ils sont proches en piste, il y a pas de manœuvre d'Ocon pour dire ma place, tu vois. Et je veux dire qu'au bout d'un moment, il commence à se rebeller face à Pérez, qui l'a foutu deux fois dans le mur à Spa en 2017, ou le fout dans le mur à Singapour en 2018, c'est un peu normal. Et encore une fois, le contexte interne chez Alpine, et puis je pense qu'après il y a la lutte aussi avec Alonso, battre Alonso, c'est quand même quelque chose qui est important. Fait que ça a été un peu tendu, mais Alonso était loin d'être exempt de tout reproche, c'est ça que je veux dire. Et après, sûr, avec évidemment. Gasly, je pense que malheureusement, c'est la grosse connerie de Laurent Rossi, c'est d'avoir pensé qu'il était magicien et qu'il pourrait faire fonctionner ce duo qui, de toute façon, est un duo de pilotes qui ont le même tempérament, qui ont, avec un ego et puis surtout l'un face à l'autre, qui ont un niveau très. Il y a un passif énorme, avec des familles qui ont un passif énorme, il y a un niveau très similaire. Et il y a une façon d'aborder la course qui est très similaire. Et en fait, quand tu as deux équipiers qui sont toujours collés sur la grille, quasiment, ils sont jamais très loin en tout cas. C'est 2-3 places max. Et c'était pareil avec Alonso. Et en fait, tu as forcément ce côté où il y aura toujours un moment où ça va se retrouver en piste. Et c'est vrai que tu multiplies les choses. Et ça, enfin. Rossi était convaincu d'avoir fait la bonne chose en amenant ces deux pilotes, et moi je pense que c'était une énorme erreur. Mais bon, après, il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Après avoir perdu Alonso, tout le monde avait même pris au miracle le fait qu'il réussisse à récupérer Gasly quand même. Bah oui, mais Viens-toi du contexte quand même aussi. S'il avait le numéro de téléphone de Oscar Piastri, on n'en serait pas là. Mais, mais bon. Et un service juridique. Ah oh là là, c'est vrai que. Ça prouve aussi, ouais, quand vous avez deux pilotes aussi proches, C'est difficile. Hein. Voilà, ils sont proches à la piste, donc forcément. Mais c'est gérable. Toutes les équipes arrivent à le gérer, mais pas Alpine. C'est ça qui est fou. Bah, c'est ça, en fait. C'est là où je te rejoins, Franck. Et tous tes arguments, je les reçois à 100%. Manu, ils sont très bons. Mais on parle, et je suis désolé de m'acharner un peu sur Esteban, mais d'un garçon qui fait sa 8e saison et qui ne peut plus du tout se permettre ce genre de manœuvre. C'est plus que grossier, cette erreur. Mais oui, mais pour moi, en fait, là où je suis d'accord, c'est que pour moi, c'est presque sa pire erreur en carrière, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que pour moi, il a rarement fait pire, et je suis d'accord qu'il faut pas que ça se reproduise. Je suis d'accord qu'il doit tirer la leçon et que ça jamais ça se reproduise. Ça, on est bien d'accord changer. Là-dessus. C'est Pierre qui l'a dit. Pierre, il doit changer. Oui, mais Pierre aussi, voilà. Après, c'est toujours pareil. C'est Pierre. Donc, forcément, lui, il a été celui qui s'est fait percuter. Bien évidemment que les mots sont forts. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de pilotes qui font des manœuvres un peu des fois dans ce genre-là, des fois machin, et qu'on ne va pas remettre toute leur carrière en cause pour ça. Et je trouve que Esteban, si, et je trouve ça un peu dommage parce que. Pour moi, en fait, ça ne remet pas en cause le fait que derrière, il y a eu des choses houleuses avec ses équipiers avant, mais qu'il n'en était pas forcément le principal responsable ou le seul responsable. Et là, on en parle parce que son avenir est en jeu aussi, parce qu'effectivement, oui, bien sûr. Il discute avec Haas. Il a aussi peut-être une possibilité de rejoindre Audi. Il est quand même en tête de liste chez Audi si Sainz n'y va pas. Et si effectivement Sainz va chez Williams, et ça a plutôt tendance à aller vers ça, Ocon serait quand même chez Audi quand même. Oui. Ce serait quand même assez fou. de dire qu'un Français va mener avec Hülkenberg le projet Audi. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont déjà recruté Hülkenberg, parce que vu que c'est Ocon et Gasly les deux favoris, ils auraient été foutus de les recruter tous les deux. Donc... Et c'est pour ça qu'on dit que c'est effectivement l'aspect team player, quand ils ont monté une équipe, enfin, quand je dis monter, c'est effectivement la faire monter, c'est très très important pour ces équipes-là de voir quelque chose de solide. Quoi, parce que chez As, des pilotes, des jeunes pilotes ou des pilotes qui se tirent la bourre, qui se rentrent dedans, Magnussen et Grosjean, ils en ont soupé aussi. Hein. Ils veulent pas revoir ça. Donc autant vous dire qu'un Ocon qui se mettrait à foutre dehors Berman à la moindre occasion, ils n'ont pas non plus envie de le voir. Donc, c'est un peu pour ça que c'est attisé, je pense, parce qu'effectivement, il y a cette déception, je pense, du côté d'Esteban Ocon par rapport au projet Alpine, effectivement, cette déception du fait que ça va reculons, certes, ça progresse un petit peu, mais ça n'ira pas beaucoup plus haut jusqu'à fin 2025. Et 2026, on sait très bien que le moteur Renault, ce ne sera pas un des tout meilleurs, alors sauf miracle, je ne sais pas ce qu'ils auront pondu, peut-être que maman aura pondu un super moteur hybride. Mais voilà, c'est maman qui a travaillé dessus, peut-être que ça fera un super moteur, mais je pense qu'il sent très bien qu'il est temps de changer d'air. Quoi. Il est temps de changer d'air. Et donc, du coup, je lui souhaite effectivement d'aller chez Audi, je ne lui souhaite que le meilleur. Par contre, je lui souhaite effectivement d'avoir cet esprit team player et de savoir la fermer, de se la mettre en sourdine et d'écouter les ordres d'équipe quand il faut les écouter. Et quand un Famin vous dit « Vous ne vous attaquez pas au premier tour », on ne peut pas dire que c'est la faute à Famin. Quand j'ai lu dans le chat « Est-ce que c'est la faute à Famin ?» Non, Famin a dit « Vous attaquez pas au premier tour ». Non, mais Famin a donné une consigne très claire qu'Ocon n'a pas respectée. Et là-dessus, encore une fois, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais moi, pour moi, la communication de Famin en direct sur Canal+, elle est dégueulasse. C'est vraiment, pour moi, c'est d'un amateurisme. En fait, c'est vraiment te dire, sinon, c'est de dire, vous savez quoi, on va vous inviter au débriefing, faites rentrer les journalistes, et puis, tu sais, c'est genre, enfin, c'est vraiment ça, quoi. Sauf s'il y a vraiment une suspension, quelque chose, parce que comme tu le dis, enfin, comme on l'a dit, il y a quand même des choses qui se passent en coulisses. Mais une suspension pour ça, c'est énorme. Écoute, si tu n'écoutes pas les ordres de ton équipe de machin, encore une fois, si ça arrive une fois avec ces suspensions directes, il a tout intérêt. Alex, c'était quoi la sanction chez Mercedes en 2016 quand les deux sont accrochés en Espagne? Il payait les dégâts. À eux de payer la facture. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bien. C'est suffisant. Tu ne suspends pas un pilote parce qu'il n'a pas respecté une consigne. Certes, il y a eu des conséquences. Mais putain, Ocon, il arrive chez Renault. Enfin, ça fait 5 ans qu'il est dans l'équipe. Il fait podium la première année, victoire la deuxième. Depuis, on lui donne des voitures qui sont moins en moins bonnes. Et à la première erreur, il faudrait qu'il soit suspendu. Franchement, c'est lourd. Pour moi, il mériterait une suspension avec sursis. Mais il recommence et il est suspendu. Voilà, ça, je suis d'accord. Mais là, c'était une erreur maîtrisable. Il ne s'est pas loupé sur un freinage. Non, mais c'est une panne de cerveau. C'est une panne de cerveau. Volontaire. Après, les décisions, elles se prennent en une demi-seconde. Y aller, voilà. Hein, nous, on est. C'est toujours plus facile. Et en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, effectivement, il y a, enfin, si on fait ça, il y a pas mal de pilotes qui peuvent se faire suspendre. Hein, je veux dire, encore une fois, c'est pas les premiers pilotes à s'accrocher entre équipiers non plus, quoi. Je veux dire, tu suspends Leclerc ou tu suspends Vettel en 2019 au Brésil, tu suspends Verstappen à Bakou 2018, tu suspends. Voilà, il y a plein de pilotes qui se peuvent suspendre parce que des mecs qui ont à un moment une poussée d'ego face à leur équipier et qui font une panne de cerveau, il y en a quasiment une fois par saison. Là, ça tombe sur Esteban et voilà. Et moi, encore une fois, je ne défendrai pas sa manœuvre. Elle est affreuse. Et je suis d'accord avec Alex. Lui dire. La prochaine fois que ça arrive, tu es suspendu. Je suis OK. Là-dessus, il n'y a aucun problème pour moi. Et moi, encore une fois, je pense que... Avant Magnussen, ça serait... C'est moche, quand même. Mais encore une fois, et pour conclure sur mon avis personnel, c'est évidemment la situation sportive qui amplifie les tentes qu'on en fait. Si Alpine était dans une bonne position au championnat, que tout était performant, que tout allait bien, on serait vite passé à autre chose. Mais là, dans une saison où chaque point compte tellement pour Alpine, là, en ce moment, ils ont plus que jamais besoin de ces 10e places pour pas finir dernier du championnat, tout simplement. Hein. Que ça amplifie le fait de pas connaître le futur. On sent la tension, de toute façon. Hein. Tu l'as dit, la communication directe de Famin était un désastre. Comme le disait Alex, je pense que c'est une relation émotive qui aurait pas dû avoir lieu. Ça l'excuse pas. Ça souligne un contexte. C'est le contexte général qui est tellement désastreux chez Alpine que tout ça devient encore plus spectaculaire que ça ne le devrait. C'est malin comme Mapette qui l'a dit. C'était plus intéressant le direct pour Canal que pour Alpine. Oui, mais moi en fait, là je suis pas d'accord avec toi. C'est que pour moi, s'il n'y avait pas eu les commentaires de Famin, on n'aurait pas eu de grosses conséquences sur l'équipe, parce que certes, l'équipe n'a pas besoin de ça sur le plan sportif, mais à la fin, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'ils auraient fait 10 et 11, et là, ils font 10. Donc, ils marquent le point qu'ils allaient marquer. Et de toute façon, c'est pas, ça change rien et ça ne coûte rien à l'équipe. Ça coûte sa course à Esteban, il s'est puni tout seul, le karma s'est retourné directement contre lui. Pierre a fait une course qui était très correcte, très bonne. Il marque son point, donc lui, bah, c'est pareil, ça lui coûte rien. C'est un drapeau rouge, et... hein, Manu. Oui, oui, mais d'accord. Mais là, fait... là, tu juges selon les conséquences, pas selon la cause. C'est mais de toute façon, vraiment, la FIA fait que ça, donc on peut y aller. Hein. La FIA, ça fait combien de temps qu'elle juge avec les conséquences? Et honnêtement, en fait, on juge avec les conséquences parce qu'en plus, c'est pas une décision de la FIA. La FIA a même pas, jugé les conséquences. La FIA a jugé, Esteban est pénalisé de 5 places pour la prochaine course. Par contre, pour moi, ce qui donne toute cette magnitude à cette affaire, c'est famin. C'est que 3 heures plus tard, la Sky était en train de déjà de dire « Oulala, Ocon va être suspendu à la prochaine course ». Si famin avait dit « On en parle en interne », ça aurait pas pris une telle ampleur. Et moi, pour moi, c'est là-dessus que c'est lui qui est responsable, pas de l'attaque évidemment en piste, ça c'est Ocon, mais pour moi, c'est lui qui est responsable du marasme dans lequel est Aspin depuis le début de saison et du marasme encore plus profond dans lequel elle se retrouve depuis dimanche. Et ah oui, tiens, Xoan, t'as raison. Je veux aussi râler sur la FIA parce que la FIA, ça fait un paquet de temps que je dis quand il y a une voiture qui est détruite en piste, c'est-à-dire que la piste, c'est devenu la plage du débarquement façon Normandie de 44 et qu'en fait, tu sais très bien que la course va être obligée d'être arrêtée. Il y a un rail qui est éventré, un photographe qui est blessé. Je veux dire, la situation elle est désastreuse. Tu laisses pas les pilotes pendant 40 secondes se tirer la bourre. Tu mets un drapeau rouge. Enfin, tu mets jaune, safety car, drapeau rouge. Et ils ont 3 boutons, tu les actives. Je veux dire, c'est pas compliqué. Je dis depuis... Alors, la première fois que j'ai dit ça, c'était Baku 2021, où Lance Stroll crève en pleine ligne droite et le drapeau rouge est brandi approximativement 200 mètres avant que les pilotes reviennent sur lui. Et là, c'est exactement pareil. Pourquoi on laisse les pilotes se battre? Alors, bah après, tant pis, c'est que Alpine qui a fait ça. Mais en fait, quel intérêt on a à avoir 3 virages de spectacle quand de toute façon, on sait que la course va être interrompue? Et en fait, un jour, il se peut qu'il y ait la même chose et il se peut que ce soit plus grave. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un gros accident et tu es obligé d'envoyer... Et en fait, la medical car bloque sur le premier accident, tu ne sais pas ce qui se passe sur le deuxième. Et je suis complètement... Enfin, je trouve ça complètement débile de la part de la FIA de toujours laisser ce temps. À voir s'ils avaient les images à temps pour juger, je ne sais pas. Bah, ils les ont. Ils ont toutes les CCTV dans le bureau et ils ont toutes les caméras sécurité et ils ont les transpondeurs. Les commissaires, non? La direction de course, oui, mais la direction de course, c'est elle aussi qui transmet les ordres de l'état de la piste. Donc, après, le temps que le nuage et tout, voilà, qu'on voit effectivement ce qu'il y a. Bon. Bah, le drapeau rouge est quand même brandi quand ils sont au tunnel, hein, donc il y a quand même la possibilité. Il y a au moins 40 secondes entre les deux. Ouais, il y a un gros focus sur Sainz aussi qui est arrêté et tout. Bon, voilà. Ouais. C'est vrai que la situation n'est pas hyper claire non plus. La situation n'est pas hyper claire, mais eux ont laissé CCTV et de toute façon, ils ont vu qu'il y avait 3 épaves en plein milieu de la montée de Beau-Rivage avec, et voilà, et en fait, tu l'arrêtes. Moi, je veux dire, la première image qu'on a de haut, il n'y a pas encore. Enfin, le drapeau rouge vient d'être brandi et tu vois la voiture de Perez, tu sais que de toute façon, ça a tapé très très fort, quoi. Donc, mais ça, bon, après, c'est pareil, c'est la FIA qui. Ils font pareil en F2, en F3, donc j'imagine que c'est une consigne de dire prolonger le spectacle au maximum, mais c'est une grosse connerie, je pense. Et peut-être aussi cette volonté d'avoir le premier secteur aussi, peut-être. Mais là, je sais pas. Non, ouais, non, mais possible, mais si c'est ça, ils jouent avec le feu. Il jouait avec le feu. Mais bon. Après, voilà, en tout cas, encore une fois, je sais que j'ai beaucoup défendu Esteban sur les réseaux sociaux. Pour l'ensemble de son œuvre, je ne le défends absolument pas pour l'attaque sur Gasly, qui pour moi était vraiment une panne de cerveau, comme beaucoup de pilotes en ont. Mais et encore une fois, moi, je trouve que là... En fait, je suis un peu inquiet pour Alpine de manière plus profonde, parce que finalement, avec un directeur qui réagit à ce point-là à chaud et émotionnellement, j'ai peur des décisions qui vont être prises à l'avenir, en fait, tout simplement. Donc, Décisions vont être prises en privé. Ouais, bah ça, en privé. Oui, bah, de toute façon, c'est pareil, les décisions vont être prises en privé, mais s'il y a une décision qui est prise et que Ocon n'est pas au Canada, on se doute très bien que c'est parce qu'il a été suspendu, et s'il y a, on se doute très bien qu'il n'y a pas de décision qui a été prise. Donc bon. Il sera malade, on sait pas. Ouais, ouais, bah, pour moi, en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que Fama a pété son câble en direct, et le service de com a regardé les réseaux sociaux, les sites et tout ça pendant 3 heures, et a dit là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, ils ont sorti un petit extincteur sous forme d'un communiqué de 3 litres. De trois lignes et pour éteindre un incendie. Le problème en fait c'est ces 3 mots, c'est tranché dans le vif qui n'a aucune traduction possible, oui. Facile en anglais. C'est ça. et ça a vraiment mis le... Mais oui. Tranché dans le vif, ça veut dire quoi? Et s'il va tuer Esteban? Est-ce que... Et ça a vraiment foutu le fouet pendant, parce que j'ai surveillé un petit peu les lives anglais et je savais pas du tout ce que ça voulait dire. C'était fou, mais bon, voilà. Les propos effectivement sont vite partis sur les chaînes anglaises, sur les sites anglais. Franchement, ah oui. Ça veut dire quoi? Voilà. Alors qu'il aurait dit on en parlera derrière au débriefing, c'était fini. Il n'y avait pas de 12 000 articles. Si on monte une école de communication pour les attachés de presse, etc., c'est voilà, l'exemple à ne pas faire, réagir à chaud à l'émotion. Ouais, totalement. Pour les caméras. Et moi, je finirai par la conclusion de Xoan et James Smith dans le chat. Rendez-nous Cyril, parce que c'était bien quand t'as Big Bull. Mais oui, c'était bien Big Bull. Ou Mathia. Ouais, bah... Mais Mathia Binotto serait plus en train de signer chez Aston en tant que Chief Technical Officer. Au moins, Binotto, on sait que lui, il n'aurait pas réagi. Il n'aurait pas réagi à chaud. Il n'aurait pas réagi du tout. il aurait dit qui sont... Pourquoi vous me parlez de ces gens? Je ne sais pas ce qui se passe. Qui c'est? Alors, c'est les pilotes. Si ça avait été Pujolar, Canal lui pose une question et il fait ah ouais, I come back to you. Ah putain. Non mais bon, c'est vrai que. C'est vrai que voilà, c'est compliqué. Après, en fait, j'en veux pas à Fernand non plus, parce que c'est vrai que j'imagine que le mec doit exploser au moment où il voit ses pilotes s'accrocher. Mais du coup, pourquoi on pense à Sagenauer qui est tranquillement chez lui avec les popcorns. En plus, on était les premiers à décrire un petit peu la passivité de Fernand par rapport à la situation. Ouais. Le fait qu'il manquait un peu de poil. Là, il était dans le curseur totalement inverse. C'est ça. Mais tu vois, Briatore faisait mieux le truc, parce que Briatore, il réagissait en live, mais il était toujours. Déjà, c'était, il restait au muret pour réagir et tout ça. Et c'était toujours, tu sais, il y avait toujours un recul. Et Fama n'est pas capable de ça, et c'est pas grave. Que ce soit un directeur d'équipe passionné, tant mieux. Mais dans ces cas-là, tu l'envoies pas devant les médias comme ça en pleine course. Après, comme l'a expliqué Montani, c'est qu'il lui l'a côtoyé effectivement en endurance chez Peugeot, je crois. C'est que c'est Fama, c'est quelqu'un d'extrêmement compréhensif, voilà, il est très doux, machin, tout ça, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu commences à lui faire à l'envers, c'est là qu'il a dit. C'est presque une paix, trois coup de pute, voilà, on peut le dire. Et donc, quand on lui fait à l'envers, apparemment, voilà. Et je pense que c'est effectivement là, vraiment, il a senti qu'on lui avait vraiment fait à l'envers, enfin, que Esteban lui fait à l'envers. Et c'est là, du coup, qu'il a switché de mode. En fait, c'est ces gens qui sont des faux calmes, en fait, qui sont capables d'encaisser énormément de choses, mais il y a juste le petit truc, si tu lui fais à l'envers, ça peut virer dans l'excès de colère totalement surprenant. Ouais. Et malheureusement, il est aussi directeur d'une institution qu'il représente. Et donc, avec lui, en fait, moi, je trouve que ça va un peu passer pour des brels 1200 personnes. C'est un peu dommage. Mais au final, Briatore en italien, ça passe mieux. Il fait non, non, non, un problème. Prenez-moi une décision. Non, un problème. Par contre, si effectivement il tranche vraiment dans le vif en suspendant Ocon, au moins il aura eu le courage de ses mots à l'antenne. Oui. Mais bon, moi, ça, on en reviendra toujours au fait qu'il cherche un alibi pour se séparer d'Esteban, parce qu'au fond, sportivement, la décision ne justifie pas, alors qu'encore une fois, en tant que directeur, il prend les décisions qu'il veut, et s'il sent que l'équipe a besoin d'un renouveau, elle a besoin, mais... Les deux sont déjà en plein divorce, donc ça va être très compliqué à gérer, je pense. Ouais. Émotionnellement, ça va être compliqué à gérer. Après, il y a une solution très simple qui consiste à virer Ocon et à ce que Ocon remplace Magnussen avec effet immédiat, au moins comme ça, le transfert est fait et on passe à autre chose, tu vois. Ah mais oui, mais on avait parlé d'ailleurs, je pense, avec la nuage, effectivement, que Ocon aille directement chez Haas, Magnussen soit largué aussi. Ou alors que Ocon prenne sa suspension en même temps que Magnussen prend la sienne, comme ça il le remplace pendant une course. Edouane prend sa place, ou Mick Schumacher, les deux sont en liste, qu'Edouane prenne sa place chez... Non, mais j'ai rien contre Edouane, mais bon, en F3, il fait deuxième, ce qui est bien, mais au bout de sa deuxième saison, en F2, au bout de sa deuxième saison, il fait pas troisième, enfin, c'est pas non plus le crack du siècle. Tu disais quoi de Guan Yu Zhou à l'époque? La même chose. En fait, moi, le truc, c'est que le fait est que moi, je suis assez d'accord avec Alex, c'est-à-dire que c'est bien Famin de dire c'est moi le patron et je discute avec des gens et de toute façon, Conegassi, ils piront un peu ce qu'on dit, tout ça. Mais encore une fois, il est aujourd'hui le patron de l'équipe qui est classée 9e au championnat et qui a un duo de mecs qui sont des vainqueurs en Grand Prix. Il a deux vainqueurs en Grand Prix dans des voitures qui, en début de course de saison, ne se qualifiaient que 19 et 20 et qui sont toujours avec deux points marqués en 8 courses. Et je suis désolé. Les derniers responsables de tout ça, ce sont les deux qu'on met dans les baquets, parce qu'eux, ils font le taf. Alors certes, là, Ocon l'a pas fait, et voilà, mais le taf est fait 95% du temps par des mecs à qui on a confié une voiture qui est nettement en deçà de leur potentiel. Je réponds juste à Jockey avant qu'on classe oui. Alpine, on va y rester toute la nuit. Gasly, c'est garanti qu'il reste où? Alors Gasly, personne ne le veut, soyons clairs, à part Alpine. Là, sur le marché des transferts, il est placé nulle part. Un peu sauf, chez Audi. Voilà, sauf chez Audi, si Ocon irait chez Mercedes et Sainz chez Williams. Mais il faudra vraiment que Ocon soit privé d'aller chez Audi et qu'il aille chez Mercedes. C'est-à-dire que sinon, Gasly, normalement, il n'y a pas d'autre opportunité que de rester chez Alpine. Je sens venir un duo Gasly-Schumacher l'an prochain. Ouais. Douane, il lui paye comme un sacré programme là. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est un programme, je pense que c'est une évaluation plus qu'une préparation pour l'instant. Oui. À voir ce qu'il vaut, effectivement. Comme Piastri à l'époque. Sauf qu'ils n'avaient pas l'avocat pour signer le contrat. Il ira chez McLaren comme tout le monde. Non, dans la partie des programmes de préparation, il y a des entraînements, des appels téléphoniques. Est-ce que tu as le 06? Ouais, c'est bon. En fait, pendant que Douane fait ses tours, ils entraînent le service juridique à passer les appels. Alors, pour rappel, et pour la blague, c'est qu'en fait, on avait appris que en fait, Oscar Piastri. Laurent Rossi n'avait pas signé. Ouais. Là, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas le numéro de Douane et en fait Piastri, ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas signé les contrats, ils n'avaient pas réimprimé les contrats ou je sais pas quoi. C'était vraiment de l'amateurisme absolu pour quelqu'un qui a ensuite critiqué ses employés d'être dilettante. Mais bon, je pourrais faire une émission complète sur Laurent Rossi, mais ce serait pas très poli. Je pense qu'on a fini avec Alpine. On peut passer à Aston Martin. Là, c'était pas terrible non plus. Aston Martin, 0 points, 4 points de course. Je veux juste commencer là, effectivement, juste parce que je veux souligner la performance de Stroll. C'est la première année, à Monaco où il est à l'aise. Oui. Parce que sinon, c'est toujours 17e, 14e, 16e, 18e sur la grille. Il n'a jamais été à l'aise à Monaco. Et là, à Monaco, il est devant Alonso. Alonso qui est quand même normalement un maître absolu de Monaco. On a vu la qualité de l'année. Et voilà, je voulais juste un gros point de waouh à Stroll pour sa performance cette année. Et voilà. Ouais. Pour juste est-ce que c'est Stroll qui superforme ou Alonso qui traverse une mauvaise passe? Parce que ça fait 3 courses. Un peu des deux. Alonso, ça fait 4 à 4 en qualif. Qui l'est cru, hein, qui aurait 4 à 4 en qualif. Alors, entre qualif sprint, entre Alonso et Stroll, voilà. Alors, je ne sais pas s'il est trop tôt pour s'inquiéter pour Alonso, hein, sans doute qu'il est trop tôt, mais on peut quand même souligner que Alonso souffre ces 3 dernières courses. Ça se Ce qui est un peu inquiétant, c'est que oui, ça ne va pas dans la bonne direction pour Alonso. Clairement, depuis les évolutions, il y a eu un pas en arrière. Il n'est pas à l'aise. Depuis Miami, on le voit faire beaucoup de fautes, beaucoup de sorties de piste, ce qui est normalement pas très. Ce qui ne le caractérise pas. Donc, ouais. Non, je dirais pas que je suis inquiet pour Aston ou pour Alonso, mais il va falloir réagir rapidement, par contre, et retrouver en fait, le contrôle du développement de la voiture. Je crois que c'est la priorité chez Aston, histoire de ne pas se retrouver dans une situation à la Mercedes, où on amène des choses chaque week-end, on tente des choses, mais on ne comprend pas et ça ne s'améliore pas. Voilà, le début de saison d'Alonso avait été quand même très bon. Alors évidemment, sans les podiums, c'est un peu moins reluisant, mais lui était encore au niveau. C'est vrai que là, depuis 3 courses, c'est quand même très compliqué. Tu l'as dit, Stroll est devant lui. Stroll fait rien d'extraordinaire, mais allez, on va dire, c'est du bon Stroll. Voilà, il est stable. Il est stable. Voilà, en fait, il fait ce dont il est capable, tout simplement, sans être absolument brillant. Et c'est vrai que de l'autre côté du garage, Alonso, je trouve, souffre particulièrement depuis l'arrivée des évolutions. Il y a quelque chose qui n'est pas allé dans le bon sens pour lui. Il fait des erreurs et ça va pas vite, donc c'est pas terrible. Je pense que la situation peut s'améliorer, mais il va vraiment falloir qu'Aston comprenne sa voiture, tout simplement. On a l'impression qu'en ce moment ils la comprennent plus du tout, en fait. Moi, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils la comprennent pas depuis 2023, en fait. Ils ont un concept qu'ils font évoluer, mais à chaque fois ça va de mal en pis. Et ça fait un an, t'as raison, ça fait un an en fait qu'ils sont dans une spirale depuis les vœux de Barcelone 2023. Et moi, ce qui m'inquiète avec Alonso, c'est que je trouve chafouin. C'est-à-dire que on avait un Alonso qui était début 2023, tout va bien, c'est incroyable, machin, un peu le Alonso du No Weekend Fight de 2018. Et puis ensuite, on a un Alonso qui fin de saison mange un peu, avale un peu des couleuvres en disant oui, bon bah voilà, les évolutions pas de ce qu'il y a, mais 2024 ça va aller mieux. Il y a ce début de saison 2024 qui est pas terrible, mais pas non plus catastrophique, où ils sont quand même accrochés au bon wagon, et donc là ça va. Et il signe sa prolongation de contrat, et juste après il y a un gros package d'évolution, et là le gros package d'évolution fait régresser Aston qui se retrouve dans le deuxième peloton. Et je crois que là Alonso, il a subi un vrai contre-coup de morale, où il se dit j'ai 43 ans, je suis dans une équipe qui n'arrive pas à mettre deux pas en avant à la suite. Pour l'instant c'est à chaque fois une voiture bien, et ensuite derrière ça va moins bien. Et il se rend compte que il est coincé là-dedans jusqu'en 2026 et que de toute façon, du coup, il s'est lui-même écarté du marché des transferts. Donc, il ne peut pas tenter d'autres coups de poker pour faire mieux. Et je crois que les évolutions lui conviennent moins qu'à Stroll. Et du coup, il se rend compte que là, il est juste cantonné à des places en milieu de peloton avec un Stroll qui n'a pas une cote du tout élevée et qui arrive à son niveau. Et en fait, on se retrouve avec un Alonso qui ne parle plus, qui est froid, qui est distant avec les journalistes, Avant, il avait toujours des mots. Enfin, Alonso, c'est un maître de la com. Il est capable. Il abandonne au premier virage. Il est capable de tenir 3 minutes en interview en post-race. Et là, en fait, il fait des courses complètes. Et il donne 3 mots façon Stroll. Et je suis très, très inquiet pour lui. Il abandonne au premier tour en expliquant pendant 3 minutes pourquoi c'était sa meilleure course. Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Mais parce que c'est Alonso. Il est toujours, en fait, Alonso. quelle que soit sa situation, c'est toujours une bête médiatique. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il est, ni une bête médiatique, ni une bête politique. Je trouve qu'il est un petit peu à plat, et j'espère que c'est juste un passage à vide et que ça ira mieux, parce qu'on n'a pas envie de le voir comme ça, en fait. Moi, qu'après il soit dans le peloton et tout ça, je m'en fous, parce que de toute façon, un Alonso, même quand il part 12 ou 14, il est capable de faire des miracles et d'aller chercher des points après les courses. Il n'a pas signé pour ça. Mais c'est ça. Et après, parce qu'il est capable de faire ça, et en fait, nous, on a envie de voir ça, parce qu'Alonso, moi, pour moi, c'est toujours un plaisir, un régal à voir conduire. Mais là, je crois qu'il n'a pas signé pour ça, et qu'en fait, il regrette profondément d'avoir prolongé si tôt son contrat, alors que la situation des transferts se tasse pas. Et qu'il y a encore des places de dispo ailleurs, en fait. Il a peut-être des options pour sortir. Hein. Si, peut-être que s'il en a marre, il y a peut-être une bonne option pour sortir et ça ne le retiendra. Donc, oui. Peut-être qu'un Tsunoda, du coup, en 2026, s'il en a marre en 2025. Et le jongleur a pas tort dans le chat, Aston Martin n'est plus une attraction médiatique. Donc, en fait, il n'est même pas. Il n'y a pas ce côté où l'an dernier, il y avait une émulation sur tous les plans. La voiture allait mieux, Dan Fallows était arrivé, l'équipe était la surprise du moment. Et après, c'est McLaren qui l'a remplacé. Et là, aujourd'hui, on a trois top teams, puis Mercedes, et on a eux qui, maintenant, sont en train de se faire dépasser régulièrement, à la fois par RBF1, mais à la fois aussi par Haas, parce qu'aujourd'hui, en qualif et en rythme de course, c'est pas beaucoup mieux que Haas. Et je crois qu'Alonso, ouais, c'est une vraie descente aux enfers pour lui sur l'espace de 5-6 semaines. Je suis d'accord avec toi, il a peut-être prolongé un peu tôt. À mon avis, tu parlais de sa maestria dans la communication, c'était une façon de dire pour lui, je prends ma décision par moi-même et je n'attends pas qu'une place chez Red Bull ou chez Mercedes se libère. C'était une façon de dire, vous voyez, je vous dis que je contrôle mon avenir, bah, c'est vrai, j'attends pas de savoir ce que font les autres. Et aussi peut-être, moi c'est une réflexion que je me suis faite, il soigne aussi un petit peu sa fin de carrière en se disant, bon bah je suis passé pour le... Parce qu'il a tout à fait conscience de ce qu'on lui reproche, j'en suis sûr, de se dire, bon bah on m'a reproché d'être un pilote peu stable, peu joueur d'équipe. Oui. Bah, là je montre que mon dernier contrat, je m'engage sur le long terme, il laisse son héritage à la Formule 1 en fait, aussi d'une certaine et manière Aston, en signant ce long contrat. Et Aston exactement, il sera désormais affilié à cette marque. Mais comme tu le dis, quand il a signé, il n'avait certainement pas pensé que de jouer les premières lignes, il se retrouverait à être éliminé en Q1 en l'espace de trois courses, quoi, en fait. Parce qu'il y a encore quelques courses, et limite, il est en première ligne. Hein, donc, c'est ça. C'est compliqué. Et c'est l'évolution qui amène ça, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est inquiétant, en fait. Lui, je pense que même avec une voiture un peu moins performante, il va finir par retrouver sa sensation. Je ne pense pas qu'il va se contenter de ce qu'il a maintenant, mais c'est vrai que la direction prise n'est pas bonne. Tu disais quel coup de com' pourrait un peu rebooster tout ça, bah, ce serait une signature d'Adrien Newey, je vois rien d'autre là maintenant, hein, pour remettre un petit coup de projecteur sur l'équipe, parce que c'est compliqué. Ou comme le dit Alka, qu'il aille en WEC tenter les 24 heures du Mans avec Alpine. Avec Tina Gaston, pardon. Je pense que ce sera pas avant l'année prochaine de toute façon. Ce serait une com' positive en tout cas. T'as raison, en tout cas, sur le fait, c'est évident qu'il vaut mieux finir ambassadeur d'Aston Martin F1, oui. de toutes les équipes, à part Ferrari. Pour profiter des très jolies voitures après derrière. Oh, bah, ça parce que une Mercedes, une Audi ou bah, Red Bull ne fait pas de bagnole, à part une hypercar de temps en temps. Finir ambassadeur d'Aston Martin F1, c'est quand même s'assurer pendant un bon bout de temps d'avoir du. Regardez Marc Genet qui est toujours consultant et ambassadeur de Ferrari. Il a fait le hold-up du siècle, lui. C'est ça, lui, il roule toujours dans des Ferrari dernier cri, tout ça. Ouais, mais non, De La Rosa n'est pas d'accord avec ça. Et si, De La Rosa dit qu'il s'effacerait si Alonso deviendrait ambassadeur. Ah, bon. Mais pensez-y, je parle très sérieusement. Marc Genet, ça fait quoi, 15 ans, 16 ans qu'il est toujours chez Ferrari en train d'ambassadeur ou qu'il pilote un peu comme ça à gauche à droite, et il a toujours une Ferrari de fonction, tout ça, et c'est top pour un pilote d'avoir encore ça derrière, hein. donc t'as souligné un bon point. Après, voilà, ce que je veux aussi souligner sur Stroll, c'est que tu as dit oui, moi je veux quand même dire que sur ce Grand Prix là il a vraiment fait un step, parce que sur 150 Grand Prix, c'est son premier Grand Prix de Monaco où vraiment il arrive à être au niveau de son équipier et même devant, parce qu'il n'a jamais été, il était toujours largué à Monaco. Donc là, bah bravo à lui sur ce coup-là, parce que c'est quelque chose qui s'est déclenché. Et surtout, il a démontré, puisque lui, il a passé les pneus tendres en course, il a démontré qu'effectivement, avec des stratégies pneumatiques bien décalées, on peut créer quelque chose à Monaco. Donc, allez, poussez-nous pour un format spécial arrêt obligatoire l'année prochaine. Et ne mettez pas des médiums, ça ne sert à rien, parce qu'on sait que les médiums peuvent faire toute la course. Non, on amène 27 jeux tendres par pilote et let's go. Que des tendres, et vous les gérez comme vous voulez, les gars. Voilà. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que alors Stroll, je mettrais un bémol parce que oui, il a fait un super Grand Prix de Monaco. Mais c'est vrai que jusque-là, comme tu disais, il s'est toujours fait battre par ses équipiers, il était toujours éliminé en Q1 et c'est un circuit de pilotage. Donc ça pique un peu au niveau du bilan global. Mais effectivement, en fait, j'ai l'impression que malgré tout, chez Aston, on fait des évolutions qui conviennent mieux à Stroll qu'à Alonso. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est. Je pense pas. Mais c'est vrai que, alors après, est-ce que on sait pas quelle quantité de développement font Attends, l'un et les l'autre. évolutions sont arrivées qu'à Imola, ça court peut-être encore un poil tôt pour juger aussi. Donc, Oui, c'est vrai que ça a été quand même des courses atypiques, mais Et pour donner, puisqu'on parle de Stroll, donner quand même une petite note positive, parce que ça va pas très fort pour Aston Martin F1. Ils sont justement pas largués, parce que finalement, Lance Stroll, en ce moment, on fait du bon boulot. Et il fait pas beaucoup mieux ou beaucoup moins bien que ce qu'il faisait d'habitude quand la voiture était compétitive. Donc, c'est vrai. je me dis à Alonso qu'il retrouve de l'aisance dans cette voiture. S'il commence à réussir à regretter à nouveau du Q3, bah, ça peut rejouer les points tous les week-ends. J'ai pas l'impression non plus qu'il soit largué. À Imola, le week-end précédent, Stroll termine devant les RBF1, devant les As, avec assez pas mal de facilité finalement. Donc, ils sont, je pense, largués du top 4 définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont décrochés, ça c'est clair. Je pense qu'en tant que cinquième force du plateau, ils ont encore tout à fait leur chance pour la deuxième partie de la saison. Et que ça restera une équipe qui va jouer les points régulièrement. Mais encore faut-il que leur meilleur pilote, Alonso, débloque une situation qui a l'air un petit peu compliquée. Et je répète juste pour conclure sur Aston que c'est plutôt, on en voit plutôt arriver Binotto en tant que Chief Technical Officer que Newey, quand même, hein, dans les rumeurs qui se précisent un petit peu. Alors au début, on voyait Binotto en tant que remplaçant de Mike Crack. Il serait plutôt en fait une strate en dessous, c'est-à-dire qu'il serait plutôt effectivement à la coordination de toutes la stratégie technique entre Dan Fallows qui serait du coup sous ses ordres et tout, avec Whitmarsh plutôt la stratégie organisationnelle, et Mike Crack qui resterait plutôt le patron d'équipe, entre guillemets, sur piste, un peu à la Andrea Stella en fait. Voilà. Oui, ce qui serait une bonne chose, Franck, je préfère voir Binotto dans l'aspect technique que managérial, clairement. Oui, et puis Newey, de toute façon, si on sait que s'il vient, ça restera un rôle de consultant, il ne sera pas là 39 heures par semaine. Hein. Soyons clairs. Non, clairement. C'est ça. C'est la fin de l'émission, je déconne, on a encore Steak F1 à voir. Mais est-ce qu'on a beaucoup de choses à dire? Je ne sais pas. Oui, moi j'ai une stat sur Joe, sur 8 Grands Prix, il a fini 5 fois 20e de la Q1. Et c'était encore le cas là, avec 5 dixièmes de retard. Et pas du tout à l'aise, pas du tout à l'aise à Monaco. Et à 8-0 pour Bottas en qualif. Bottas qui a dit, alors les déclarations de Bottas étaient ultra violentes, je ne les ai plus parce que ça remonte à samedi, on a fait beaucoup de news, mais en gros il a dit qu'ils étaient très très loin d'un passage en Q2. Et il a dit qu'il a été pris dans le train Alonso et que c'était pas très drôle. Mais globalement, que de toute façon, la voiture manquait de perf. Et en fait, à la fin des qualifs, ils sont donc 19 et 20. Ils partent 17 et 18 grâce à la disqualification des As. Mais ils sont 19 et 20. Et les deux disent, j'ai fait un tour sans erreur. En fait, la voiture manque de perf. Donc, c'est pas rassurant. Joe n'y est plus du tout. Je pense que Joe, c'est... Là, lui, pour le coup, il est sur aucune liste. On l'a vite fait entendu chez As ou chez Alpine à des moments, mais pour moi, il n'y a aucune chance qu'il y arrive. Manque de liste à chaque fois, donc... Ouais. Et ouais, je crois que c'est la seule équipe qui n'apportait pas un package Monaco. Oui, je crois que c'est ça. Aussi, ils avaient quand même un aileron arrière, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'était assez... Après, moi, ce qui m'a... Moi, voilà. Donc, il ne faudrait pas grand-chose de plus à dire sur Steak, qui est vraiment la dernière force, ou quasiment la dernière force maintenant du plateau. Et c'est l'équipe à pas avoir marqué de points aussi. C'est ça. Et moi, ce qui m'étonne juste, c'est les déclarations de Bottas qui dit qu'il est à peu près à 99% de prix de points pour l'année prochaine. Honnêtement, voilà, je ne vois pas où. Honnêtement. Il y a l'option Williams si Sainz n'y est pas, quoi. Ouais, mais ça veut dire que, ouais, je ne sais pas, c'est bizarre parce que. En choix après Sainz, je trouve que Bottas et Williams, ça a quand même pas mal de sens. Oui. La maison. Et Bottas, c'est quand même pas mauvais cette année. Hein. Il fait le taf cette année. Hein. Ouais. Je trouve vraiment pas mal. Pour le coup, largement au-dessus de Joe, alors que l'année dernière, moi, je lui reprochais d'être pas assez devant Joe, justement. Cette année, c'est le patron en compte de cette de l'équipe. Et je crois qu'il subit de plein fouet le fait qu'il n'a aucune performance. Hein. Bottas, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher cette année. Donc, en deuxième choix après Sainz, pour accompagner Albon chez Williams, je trouve que ça fera un duo solide hein, pour l'avenir. Bottas, il a encore quelques années devant lui quand même. Entre Sainz et Bottas, je préfère quand même Sainz, hein, de loin. Hein. Ah, mais comme je te disais, hein, c'est le premier choix, évidemment. Mais si tu ne peux pas avoir un Sainz, te rabattre sur un Bottas, sachant que tu as déjà Albon pour Williams, c'est quand même pas mal. Yes, c'est ça. Après, il y a Maloney hein, qui est le pilote Steak et qui peut remporter la F2. Enfin, là, il a perdu la tête. Ah, c'est vrai qu'il parlait des pilotes pour l'an prochain et Eric Boullier a dit à Ludy Bravi, donc, qui avait cité Gasly, Ocon et Sainz. Il lui a dit tu as un autre nom, tu ne veux juste pas le dire. Et du coup, Ludy Bravi a sous-entendu que c'était le cas. Donc, il y aurait un candidat surprise. Moi, je mise un peu sur Théo Pourchaire parce que c'est le pilote de l'académie sur qui ils ont dépensé beaucoup d'argent et quitte à tenter un retour d'investissement, Pourchaire fait quand même une très belle performance récemment en IndyCar. Donc peut-être, pourquoi pas le faire venir pour au moins un an, puis voir si Audi veut le garder derrière, quoi. À voir. Donc voilà, après en tout cas, bon Steak, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que la saison va être très très longue pour eux et 2025 risque d'être tout aussi long pour eux. Et je pense que ça doit jouer aussi dans la décision de Sainz de réfléchir à Williams plus qu'à Steak pour 2025. Parce que même si Audi est là en 2026, ça fait quand même du temps à attendre, quoi. Et on a réussi à faire une durée d'émission comme le Grand Prix de Monaco avec la pause entre les deux, puisque j'ai lancé le replay en même temps que le début de l'émission et on arrive sur le 77e tour là. Ah joli, on va finir avant eux quand même parce qu'on est un peu plus rapide. Non, bah, en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, qu'on puisse revenir un peu là-dessus. On a pu débattre en n'étant pas d'accord, ce qui n'arrive pas tout le temps, donc c'est bien. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouvera dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix du Canada. Donc là, bah, les horaires, c'est pareil, hein, ce sera en fin d'après-midi et soirée. Et l'émission sera toujours à 20h30 le mardi. Et puis, merci Franck, merci Paul, merci Alex. Merci. Merci à tout le monde dans le chat et à tous ceux qui participent aussi au chat. Et on se retrouvera demain et jeudi normalement pour 2 lives sur F1 24, là, comme on a fait la semaine dernière, pour que je vous montre un peu le mode de carrière, puisque du coup le jeu a été patché par rapport aux petits problèmes qu'il y avait au début, puis moi j'avais pas encore la version complète. Donc normalement demain à 18h sur cette même chaîne on pourra se retrouver, puis si vous voulez parler F1 évidemment comme la dernière fois, ce sera totalement possible. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao, ciao.